bienvenue dans ActuCast, votre podcast sur l'actualité du podcast. Aujourd'hui, je reçois l'équipe de Casse sur Table, qui va nous parler d'un de ses membres fondateurs, j'ai nommé Issam Sali. Non, ça c'est moi. Sali, qu'avez-vous à nous dire sur Issam Sali? Moi je l'aime bien, il fait des bons montages, c'est tout. Sali, qu'avez-vous à nous dire sur Issam Sali? Qu'il aime bien les chiens. Nécro. Bah, je trouve qu'il a des goûts vestimentaires assez douteux, surtout depuis qu'il commence à porter du gobos avec des bracelets rouges au niveau du bras. Il m'inquiète. Mais est-ce que cette passion pour le gobos ne vient pas de sa seconde politique. Voilà, de sa seconde personnalité qui a vu le jour, un certain Hans? Ah bah c'est sans doute ça, hein. Mais puis il est pas pareil, c'est-à-dire que des fois il porte des bottes bruyantes et puis il lit des trucs sur la colonisation allemande, il me fait peur. Puis parfois dans la rue aussi il se met à lever le bras, enfin, c'est un peu gênant quoi. Enfin... Son amour pour les petites moustaches est devenu quelque chose de très... voire trop gênant. Mais alors, il est dead, il essaie de s'en faire pousser une mais ça fait juste un duvet. Merci à vous, et je vous retrouve pour un prochain numéro de ActuCast. Et bienvenue pour votre nouveau numéro de Case sur Table. Avec moi aujourd'hui, autour de la table des nouveautés, je suis avec Nécro. Salut. Sally. Oui. Arthur. Oui. Issam. Non. Issam. Il n'est pas là. Issam. Arrêtez monsieur, vous mettez tous très mal à l'aise. Ah, Issam n'est pas là. Non. Nous allons faire un podcast à quatre. Tout le monde est triste, n'est-ce pas? Oui, beaucoup. C'est malheureux. Vous savez ce qu'il fait en vrai? Il regarde Netflix. Il se touche. Il regarde Netflix avec son chien, Elon Musk. Non. Il regarde la série de documentaires sur les chiens sur Netflix en se touchant. C'est ça. Et en pleurant entre deux épisodes. Mon Dieu. Comment allez-vous? Bah ça va. Hein. Ça va aussi. Petite semaine épuisante, mais ça va. Ne me posez pas ce genre de questions, vous connaissez la réponse. Elle n'est jamais plaisante à entendre. Non, ça va. Prêt à parler BD manga? Oui, toujours, oui. Oui. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas de comics, je viens de caler ce mois-ci. Oui. Alors, ça dépend desquels. on en reviendra. Il y aura plus de comics le mois prochain, effectivement, il n'y en a pas ce mois-ci. Passons directement à un titre que nous avons tous lu autour de la table. Mm-hmm. Un titre édité par Delcourt, adapté de la chaîne YouTube de Léa Bordier, puisque j'allais dire écrit et dessiné, mais c'est pas exactement ça. Donc, adapté de la chaîne YouTube de Léa Bordier, Cher Corps. D'ailleurs, quand on tape Cher Corps sur YouTube, enfin sur Google, on a directement sa chaîne YouTube. La chaîne YouTube. Cher Corps qui est une compilation, on peut dire ça comme ça, de recueils de femmes. D'histoires de femmes qui racontent le rapport qu'elles ont envers leur corps, et surtout le rapport qu'il y a les yeux de la société par rapport à leur corps. Et autour de la table, c'est un titre qu'on a tous plutôt apprécié. Ouais. Oui. Dis oui, sinon il va pas y aller. Ah oui, voilà. Oui. Sinon il bloque. Bug. Oh. Chaque récit est dessiné par une autrice différente, ce qui me semble que ce sont que des femmes au dessin. Oui, je vais vérifier. T'as vérifié. Alors j'avoue qu'au début, j'étais pas partie ultra séduite par le concept parce que à l'heure actuelle, il y a beaucoup de choses qui, surtout quand ça vient de YouTube, sortent. Plus dans le principe d'être vendu, c'est des trucs très commerciaux, la chaîne YouTube a des vues. Donc quand j'ai su que c'était adapté d'une chaîne YouTube, j'avoue que je suis vraiment pas partie gagnante. J'ai cru que ça allait être juste ultra commercial et tout ça. Un produit labellisé YouTube. C'est ça, comme il y en a de plus en plus. Et en fait, déjà je trouve que la couverture, elle a quelque chose de très aérien, c'est-à-dire que c'est pas une photo de la nana de YouTube, donc déjà ils essayent pas de capitaliser sur la YouTubeuse en tout cas. Et après chaque histoire qui justement, la préface est très touchante aussi parce qu'elle justement elle raconte tout le cheminement qu'il y a eu pour créer ce livre-là, tout ce que la société, la pression de la société et l'espèce de du fait qu'ils veulent mettre les femmes dans des petites cases et qu'elles en sortent pas trop et tout ça. Et ça raconte que, en fait, chaque femme, même à côté de ces cadres-là, essaye d'apprendre à connaître son corps. Et par ces petites histoires aussi, à survivre, des fois, à leurs problèmes qui ne trouvent pas forcément de solution, dans le sens où, justement, elles aimeraient en parler, mais la société dit, ben, c'est peut-être mieux que tu gardes ça pour toi, tu vois, t'es une gentille petite femme, t'as juste à sourire et c'est tout. Et j'ai trouvé ça ultra touchant. Chaque histoire, en fait, est très touchante. Et le graphisme, qui est différent aussi, le porte à chaque fois. Que ce soit parce que c'est des petites nanas qui ont un peu de poids ou au contraire qui font de l'anorexie. Enfin, chaque histoire est ultra différente, mais touche à chaque fois au corps et à la perception que la société a du corps de la femme. Et après tout, ce que la femme ressent envers son propre corps, en fait. Et je pense que c'est le genre d'œuvre qu'on devrait avoir beaucoup plus. Parce que pour tout le monde, c'est énorme à lire au moins une fois, à comprendre et à faire passer. C'est tout le monde, toutes les femmes devraient être libres en fait de ce qu'elles sont, tout simplement. Bah, c'était... Tiens, je te confie la patate chaude, débrouille-toi avec ça. Alors, un truc que j'ai apprécié, c'est que le style des autrices colle assez bien souvent aux histoires. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a lu une histoire, on se dit « j'aurais du mal à l'imaginer avec un autre style graphique ». Il y a vraiment eu un travail de composition. Si je peux. Il n'y en a qu'une seule que j'ai trouvée pas très très... Enfin, juste qui m'a moins plu d'un truc personnel. C'était celle qui était un petit peu presque en motion design, qu'avec des couleurs et des formes, et c'est quelque chose qui me touche moins. Mais voilà, c'est tout. Premières. C'est laquelle ? C'est comme la couverture, en fait. C'est elle une a des la premières. Elle a la même DA que la couverture, qui est beaucoup avec des couleurs très flash, avec des formes et tout ça. Voilà. Moi, ça m'a pas déplu, ça. Okay. Moi, c'est juste que artistiquement, ça m'a moins touché. J'apprécie vraiment tous les styles. J'avais la patate chaude. Pardon, la patate chaude. On a la patate masquée, maintenant il y a la patate chaude. Et oui, ce que je voulais ajouter dessus, c'est il y a une histoire qui m'a particulièrement touché, c'est celle aussi au niveau de la rescapée du Bataclan. Du Bataclan, oui. J'avoue. C'est tourné avec une sorte d'humour froid, des fois, des trucs. C'est vraiment bien tourné. Bah là, la dessinatrice a réussi à faire un personnage attachant en quelques traits et on suit son parcours, ses discussions avec les gens, l'acceptation finalement des cicatrices, des séquelles qu'elle a par rapport à ça, qui sont aussi bien physiques que psychologiques. Surtout. Les témoignages, il y en a vraiment des prenants. On se laisse prendre au jeu, c'est-à-dire qu'on a vraiment à chaque fois une histoire complètement différente et on part sur un nouvel univers. Et chaque personne, chaque femme est un nouvel univers à découvrir. Bien sûr. Donc c'est le fait que ce soit des dessinatrices différentes, c'est vraiment important pour cet œuvre-là. Et puis avec un style visuel très particulier à chaque fois. Oui. Il y a pas de, enfin, si apparemment à la limite le premier, mais... là, avec une personne avec une femme assez âgée, où là visuellement c'est un style plutôt classique. Mais sinon, c'est des styles visuels assez particuliers à chaque fois. Ouais, c'est relativement classique, mais ça ressemble à rien d'autre dans l'ouvrage en lui-même. Donc je trouve que ça dérange pas, en fait. Il n'y a pas deux styles graphiques qui se ressemblent au sein de l'œuvre. Justement, c'est ça qui est bien. Et ça colle justement avec la diversité des portraits proposés. Enfin, je trouvais un peu relatif parce qu'il n'y a quand même qu'une femme racisée. Je trouve qu'on aurait pu en avoir au moins deux, quoi. Ça manque un petit peu, ça fait un peu figure d'exception et... Enfin bon, on a l'impression qu'il n'y a qu'une expérience unique pour les femmes non blanches, et c'est vrai que mettre un autre portrait de femme noire ou de femme asiatique ou éventuellement même d'une femme portant le voile, je pense, aurait été intéressant et serait participé de cette diversité qui, selon moi, fait vraiment la force de l'ouvrage en effet. D'autant qu'il y a quand même deux ou trois ou quatre histoires sur le poids, alors ce qui est très important, hein, je ne contredis pas ça, mais. Un personnage de femme trans ou un personnage de femme qui porte le voile serait permis une diversité un peu plus accrue, je pense. Ça aurait pas fait de mal au truc, mais là c'est vraiment pour pinailler. Hein, Après, c'est peut-être lié aussi au mode de conception, même. Du bouquin lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, les témoignages sont arrivés. Enfin, je sais pas comment ça s'est discuté après. C'est peut-être aussi chaque dessinatrice qui a choisi une histoire qui lui touchait vraiment et du coup on s'est retrouvé comme ça. Et s'il n'y a pas concertation en ce cas. Ouais, mais déjà je pense qu'au moins il y a concertation avec Léa Bordier, alors que moi je connais pas tout, hein, je connais pas son travail donc j'en sais rien. D'ailleurs, quelqu'un a été voir la chaîne par curiosité. Non, parce que moi j'ai vu ce matin. J'ai failli. Pas beaucoup de temps. Un bien bon travail professionnel de podcasteur. Ouais. Mais c'est vrai que, enfin, ouais, moi, c'est le seul défaut que je trouvais, mais ça m'a un peu agacé en le lisant, surtout que le portrait de femme noire arrive sur la fin. Donc, je me disais pendant tout un temps qu'on n'en aurait jamais, et c'était un peu inquiétant. Mais bon, c'est vraiment, ouais, pour pinailler, et non, globalement, c'était très bien. Mmh. Je recommande vivement. C'est très touchant, c'est très émouvant. Oui. Beaucoup d'émotions à la lecture, ouais, du bouquin. Mmh. Faut, voilà, faut pas s'arrêter sur le truc livre de youtubeur. Parce que moi je savais même pas d'ailleurs. Bah, disons que j'en suis rendu compte assez vite. C'est, parce qu'elle le dit dans la préface aussi. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que si jamais il n'y avait pas eu la préface, je l'aurais sans doute pas su. Ouais, parce qu'à la base il y avait un bordereau, ah, ouais, que d'accord, j'ai laissé à la maison, oui, où il y a écrit par la youtubeuse avec des millions de vues, ah, et okay, ça m'a gonflé en fait. Ouais, ok. Voilà, c'est 5,5 millions. C'était, mais ça, c'est le commercial qui a fait de la merde. Hein, non, ça, c'est... Ouais. Non, il n'a pas fait de la merde non plus. C'est normal qu'il veuille. Si jamais ça peut lui faire vendre plus de bouquins, oui, lui il est là pour faire, oui, du bénéf, quoi. Et il s'en fout. À la limite, même l'autrice, si jamais sa popularité vis-à-vis de sa chaîne peut permettre de faire connaître le travail qu'elle fait par ailleurs, je comprends, ah, qu'elle va y mettre ça en avant. En fait, c'est plus les préjugés plus ou moins fondés quand même, parce que c'est vrai que c'est rarement des chefs-d'œuvre ce qui sort par des youtubeurs. Bah oui, mais c'est ça. Je sens que c'est des attrapes d'ego, c'est ça qui est dommage. Souvent c'est ça, et bon, il y a 2-3 exemples contraires de travaux vraiment travaillés avec des youtubeurs vraiment impliqués dans ce qu'ils proposent, et ça en fait partie. Mm-mm. Mais bon. Donc, dans le même style, on peut parler, enfin, dans le même style, plusieurs dessinateurs, etc. Il y avait le livre d'Axolot, par exemple, ouais, où c'était, ouais, des histoires... qui est plutôt pas mal aussi, d'ailleurs. C'est trop bien. Très bien. Patrick Beau, si tu nous écoutes. Des fois, il y a des youtubeurs qui peuvent vraiment faire sortir quelque chose. La Petite Mort, tous ces trucs-là. Ah, ça vient de YouTube, ça ? Non, c'est David Mourier. David Mourier, qui est surtout connu sur YouTube, à la base, okay, qui était connu aussi pour Nerd, qui était connu pour... pour ses travaux sur la chaîne No Life. No Life. Ah oui. Il est pour beaucoup très connu avec Golden Moustache et tous les trucs sur YouTube. Et puis après, ben oui, il a fait La Petite Mort. Ce qui s'étend pas mal. Et qui a la voix de Brigitte Lecordier au niveau des vidéos. Ce qui est plutôt cool. C'est trop bien. C'est trouvé tout sur tous les projets, elle. C'est génial. Non, mais en même temps, elle a l'air tellement adorable. Oui. Ouais. Ce qu'il y a de bien aussi dans Cher-Corps et ce qui fait qu'on rentre vite dans les histoires, c'est qu'on sent qu'il y a une vraie implication de la part des dessinatrices, qui d'ailleurs s'expriment un peu à la fin toutes, et les personnes aussi qui ont témoigné. Mmh. Je trouve vraiment que c'est un travail que Léa Bornier, c'est ça, enfin, a, oui, vraiment fait attention à faire avec la participation de tout le monde, de vraiment laisser s'exprimer au maximum les femmes qui participent à tous les niveaux. Et on sent que c'est pas un travail personnel et que même si jamais il y a que son nom, enfin d'ailleurs il y a peut-être pas que son nom sur la couverture, mais si jamais le nom de toutes les, ouais, voilà, toutes les dessinatrices, voilà, il y a le nom de toutes les dessinatrices, mais si jamais c'est son nom qui est en plus gros, vraiment on sent pas son emprise sur le travail, et c'est, il y a vraiment une liberté de ton et de forme et d'expression qui rend vraiment la lecture très très plaisante. Et c'est aussi une lecture, on l'a pas dit, mais qu'on peut conseiller aussi, pas forcément qu'à des adultes. Oui, ouais. Alors à des jeunes filles, ouais, jeunes, des adolescentes, oui, voilà. Aux adolescentes, carrément. Ouais, ouais. C'est même limite à faire lire à des adolescentes. D'ailleurs, il y a pas mal de récits aussi qui se concentrent sur la perception du corps par les jeunes filles, avec le corps qui change, etc. La perception aussi de la poitrine, etc. Des premières règles, tout ça. Oui, des premières règles. Donc il y a pas mal d'éléments qui peuvent justement avoir un écho particulier, qui peuvent beaucoup aider, je pense, des jeunes adolescentes éventuellement. Il y a aussi une personne qui a une apparence androgyne. Oui. Enfin. L'acceptation, c'est des fois aussi, c'est, oui, des trucs liés à des. Enfin, c'est souvent, pratiquement toujours, lié à des codes définis socialement. Le fait que se raser les jambes. Voilà. C'est féminin, et ne pas se les raser, c'est pas féminin. Ouais, enfin voilà, donc c'est... Alors que c'est juste pour vendre de la cire, bande de connards. Pour vous vendre des rasoirs pour femmes, aussi efficaces que les rasoirs pour hommes, mais plus chers. Parce qu'ils sont roses. Voilà. Et c'est paillettes. Voilà. Ça, moi, par exemple, je serais pas contre l'idée qu'il y ait un second volume avec d'autres histoires. Ouais. Oui, clairement. Ouais. Moi, vraiment, bien, j'aurais bien aimé voir une femme trans et d'autres femmes racisées un peu. Je trouve que vraiment c'est ce qui manquait et que ça aurait été facile. On va mettre un petit peu plus de diversité. Ouais, mettre un peu plus de diversité, d'autant que pour le coup il y a quand même une redondance, mais que je condamne pas parce que c'est vraiment important. Mais vis-à-vis du poids, parce que c'est vrai que c'est très important et que ça touche toutes les femmes, mais bon, il y a quand même énormément de récits qui parlent de ça. Je suis désolée Arthur, je te coupe, mais le souci c'est que à l'heure actuelle, en tant que femme, t'es beaucoup jugée sur ton apparence, ouais, et l'apparence ça passe avant tout par ton poids. Mmh. Ah oui, mais non, et mais avec le diktat hollywoodien de toutes les nanas mannequins, avec le, il suffit juste que tu sois un peu différente ou que t'aies un peu de poids pour que de suite ce soit une emprise où la société te tape dessus, quoi, vraiment. Genre, tu peux pas mettre du 36, ben, t'es pas bien dans ta peau, tu vois. Et... Non, mais justement, je veux vraiment pas minimiser ça, ouais, et c'est, voilà. C'est pour ça que je dis que j'aimerais bien un volume 2 pour pas retirer ces récits qui sont tous très intéressants, mais soit d'en mettre un peu plus dans ce tome-là, soit dans, éventuellement d'en faire une suite ou quelque chose comme ça, parce que je pense qu'il y a d'autres problèmes très intéressants qui pourraient être soulevés, et tout, de manière tout aussi bien, parce que je trouve que il y a jamais trop de maladresse, etc. Donc, Après, le ce qui est bien avec le poids, on va dire ça, c'est que ça touche tout le monde. Mm-hmm. Ça touche autant le sujet du poids. Ouais, voilà. Le sujet du poids, ça touche tous les gens, quoi. C'est pas que... Ça touche d'autant plus tous les gens que souvent, dans les publicités, que ce soit des hommes ou des femmes, les images ont été, pendant extrêmement longtemps, photoshopées sans que ce soit indiqué. Ce qui fait que même un top modèle venant de l'agence Elite, Model Look et tout ça, machin, était retouché avec les jambes légèrement rallongées et tout, donc elle avait sur les proportions qui étaient inhumaines. Et on disait, voilà, ça c'est le canon de beauté, fais avec. D'accord ? Non, mais c'est clair, mais c'est quand même quelque chose que, au niveau des femmes, on ressent beaucoup plus qu'au niveau des hommes. C'est-à-dire qu'un mec qui a du poids, bah, c'est un mec qui a du poids, tu vois. Une nana qui a du poids, c'est une grosse. C'est juste ça, en fait. C'est comme le phénomène de la vieillesse chez les hommes, ça nous donne un charme, et chez les femmes, bah non, quoi. Alors qu'en vrai, c'est plutôt l'inverse, mais ça serait... Et le truc, c'est que ça dépend, il y a des gens qui vieillissent plus ou moins bien. Et puis, il y a des gens qui... C'est comment eux, ils se sentent vis-à-vis de leur vieillesse, surtout, parce que, après... Des fois, c'est quelque chose que tu dégages, des fois, c'est... C'est ça. Bref, un bouquin qu'on recommande tous sur de la table. Oui. Ouais. T'es toujours en décalé. Ouais. C'est incroyable. On entend pas beaucoup, Issam, je trouve. C'est un gros entraînement d'être en décalé. J'ai fait... pour ça, j'ai fait, en fait, de la non-post-synchro sur des animés. C'est un gros travail, c'est-à-dire qu'en fait, il faut attendre que les lèvres aient décalé... Enfin, ils commencent à bouger, et une seconde après seulement, on balance son truc. Bah, c'est la spécialité des doubleurs français actuels. C'est ce que j'allais dire. C'est... Mais du coup, gros travail, et j'y arrive. Hein. C'est vrai qu'on entend pas beaucoup Issam, t'as raison, tu vois. Ouais, il doit être un peu malade. Ah, mais c'est parce qu'il a son nouveau chien, il doit lui donner à bouffer. C'est compliqué, hein. Son quatrième chien, là. Quand même. Dans un petit appart, c'est... c'est compliqué. Ça prend de la place, c'est quand Allez, même... il est l'heure de passer au prochain titre de cette sélection. Nous sommes trois, il me semble, à avoir lu autour de la table. Sally, Arthur et moi-même, tu ne l'as pas lu Non. Celui-là. Versailles of the Dead, autant te dire que tu n'as pas loupé grand-chose. C'est ouais. Car ce n'est pas mauvais, mais c'est plutôt Osef. Voilà. Osef of the Dead, ouais. Osef of the Dead. L'histoire est simple... Celle de Marie-Antoinette qui débarque en France pour son fameux mariage donc avec l'héritier français. ça part mal, enfin ça part mal, ça commence mal, ça finit cacao. Une invasion de zombies qui débarque, elle se fait bouffer la gueule et son frère jumeau se déguise en elle. C'est ça. Pour faire genre, elle a survécu. Alors que non. Après ce postulat-là, vous pouvez directement l'oublier, parce qu'après les zombies, bon, on les voit quasiment plus pendant tout le putain de tome. Il y a ça aussi. Et le délire de lui qui se déguise en elle, bah pareil, c'est pas vraiment mis en avant plus que ça, alors ça aurait pu donner des situations rigolotes. En fait, disons-le tout de suite, le gros truc vraiment décevant avec le bouquin, c'est qu'il y a plein d'idées qui... sont vraiment cool. Sont vraiment cool et pourraient vraiment donner des choses plutôt très intéressantes. Et qui ne mènent à rien, qui sont laissés de côté, jamais utilisés, c'est dingue. Qui sont jamais bien employés, et vraiment ça, même si bon, le projet a l'air d'être sans prétention et vraiment pour s'amuser et qu'on sent qu'il y a un plaisir à dessiner ça derrière et que c'est vraiment l'autrice, il me semble que c'est une femme qui a fait la démarche de cette œuvre et que c'est pas un truc qu'on lui a imposé. Bah, je trouve que ça, elle a mal géré ses idées quoi, alors qu'elles étaient vraiment bonnes. Bah, ça brasse du vide quoi. Bah ouais voilà, enfin. J'ai l'impression que c'est un résumé de Bleach. Alors, peut-être qu'on peut préciser que c'est... Oh, regarde, de meurtre. C'est la mangaka qui avait fait After School Charisma chez Kiyun. Oui, chez Kiyun, bah, qui était pas mal du tout, pourtant, comme série, qui était plutôt sympa, mais voilà. Enfin, c'était pas non plus extraordinaire. Hein, série en 12 volumes, finie chez Kiyun. C'est incroyable de faire un récit de zombie et vraiment, tu les utilises jamais. C'est-à-dire que c'est même pas une menace invisible qui plane. C'est genre... Non, on n'en parle pas. Puis ils arrivent comme ça, enfin, comme un cheveu sur la soupe. Et... ils attaquent au début, après tu les revois plus personne n'en parle, et après il y a un zombie qui débarque et tout le monde sait ce que c'est. Genre, oh, c'est un mort-vivant, attention. Normal. Et quoi? mais quand est-ce que vous les avez vus? Mais comment ça se fait, tout le monde connaît leur existence alors qu'on les voit jamais? C'est très bizarre. Ça te rappelle pas quelque chose, Chris? Un truc où il y a une ville où il se passe toujours des trucs pas possibles toutes les semaines, et puis finalement ça n'a plus aucune importance un jour après. Comment ça s'appelait le truc chez Komiku? Par l'auteur de 6000, par le dessinateur de 6000. C'était pas Mushroom, c'était. Non, c'était pas Mushroom. C'était pas Mushroom. Non, c'était, le, c'était pas Scary Town. Non, Scary Town, voilà. Ah, ça aussi c'était bien nul. Oui. Ouais. Ah, la différence c'est que Scary Town au moins c'était terminé en 2 ou 3 tomes, alors que là c'est toujours en cours. Il y a ouais. Combien de tomes en Japon? 2. 2 pour l'instant. À la limite, pour en revenir à Versailles of the Dead, c'est pas moche. Ah, oh, moi non, je trouve vraiment vrai. Ça aux F, hein, graphiquement. Ah ouais, ouais. J'ai pas trouvé ça dégueulasse en fait, j'ai trouvé ça assez plaisant à regarder. Ouais, visuellement c'est pas. Tu vois là, je peux pas dire que c'est moche quoi, des Non, mais moi je trouve que c'est un style graphique qu'on a vu partout. Enfin, oui. C'est vraiment le style graphique typique des shonen, dit shonen pour filles par certains, type Black Butler, Pandora Hearts, etc. C'est le trait un peu aéré, fin, etc. et sans trop de, d'arrière-plan. Et... Enfin, disons que c'est un style qu'on voit dans énormément de mangas et souvent avec un petit peu plus d'intérêt, donc je trouve que oui, ça voilà. Souffrait un peu de la comparaison avec d'autres styles graphiques plus riches. Disons, c'est pas moche mais ça n'invente rien. C'est pas moche, voire c'est un peu osef graphiquement, genre c'est pas un manga que j'aurais envie de lire parce que c'est beau quoi. Mmh. C'est ni un manga que t'as envie de lire parce que c'est beau, ni un manga que t'as envie de lire parce qu'il y a une histoire quoi. C'est ça. Mais ouais. Du coup, est-ce qu'il y a les femmes à poil pour compenser ou... Non, il y a des mecs non, à poil. Non, ça c'est dans Mayball. C'est dans Mayball. On va parler après. On va parler après. Spoil pas, voyons. Oh, elle a tout spoilé. Spoilé point. Elle a spoilé 50%. Mais je crois qu'il y a des sous-entendus aussi avec des démons. Bah, sur la fin, ça, elle part un petit peu en youk. En youk. Au niveau de l'intrigue. Hein. J'ai plus grand souvenir, mais. Alors, peut-être aussi à préciser la fin, que. T'as une. T'as un personnage féminin dans une espèce de grande piscine ensanglantée là, et t'as l'autre qui vient réciter une espèce de... De psaume. De psaume devant, c'est ouais, très bizarre. Ouais, bon, d'accord. Mais, et c'est dommage parce que c'est un titre, je pense que... Enfin, moi que j'attendais, par curiosité. Ouais. Je bah, pensais que ça pouvait vraiment donner un truc sympa. Pas mal de gens quand même qui l'attendaient, et notamment même avant sa... Enfin, l'annonce de sa publication par Kana, j'en avais déjà entendu parler, ce qui en général est signe qu'il y a des lecteurs de Scan notamment, ou des gens qui connaissaient bien l'autrice et qui l'attendait particulièrement. Après, je pense aussi qu'on en entend pas mal parler, parce que bon, ça se passe en France, ouais. Donc du fait que ce soit à Versailles, etc. Et que comme on l'a dit, le concept de base, moi, m'intriguait, hein, alors que j'étais pas spécialement... Je pense que je l'aurais pas acheté de moi-même, mais le concept m'intriguait, je comprends qu'on soit intéressé. Mais si jamais vous voulez l'essayer, ne vous attendez pas à grand-chose, parce que vous risquez d'être déçu, je pense. Alors, moi, personnellement, c'est même pas un site que je conseille. Bah, si jamais vous aimez bien ce genre d'histoire, elle est pas totalement déplaisante, mais... Je pense que si on apprécie le genre horrifique, le genre zombie, il y a beaucoup mieux à proposer que... Évidemment qu'il y a beaucoup mieux, mais même si vous aimez bien les ambiances un peu 17-18e, dans ce style graphique-là, lisez les mangas de Jun Mochizuki, Pandora Hearts et Les Mémoires de Vanitas, ouais. ou même lisez Black Butler, qui vraiment est... Enfin, sont deux autrices et... Qui font des mangas que moi je trouve beaucoup plus intéressants et dans le même type d'univers avec des styles graphiques qui ressemblent. Et voilà. Mais bon, si jamais vous voulez absolument lire quelque chose comme ça, ça fait le café, j'imagine, mais c'est pas. Ça fait le café. Ça fait le café. Chose à rajouter, Sally? Non, c'était vraiment Osef en fait. Ouais, voilà. La couverture est sympa. Ça fait ça, joli dans l'habillage est pas dégueu. C'est ça. En et fait, qu'il y a Napoléon à la fin. Je me rends compte que le programme du mois est relativement court et qu'il y a pas mal de trucs relativement osef. Donc n'écoutez pas ce podcast en fait. Qu'est-ce si, que si, faites si, là si, non, mais écoutez, faut l'écouter. Et au contraire, il faut aussi écouter les choses qui sont pas terribles pour pouvoir s'aiguiller sur des bonnes choses. C'est ça. Il ne faut pas parler exactement. Que des mauvaises choses. Des trucs que des bonnes choses. J'ai vu des gens mettre du 5 étoiles dessus. Ah oui, faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle quand nous. Non, mais franchement. Les trucs qu'on a détestés, mais les trucs osef. Nous en avons donc fini avec Versailles of the Dead. Enfin. Je pense que nous n'avons rien d'autre à dire. Il est temps de passer à un autre titre de la sélection, lu par trois personnes autour de cette table. Sally, ouais. Arthur, ouais. Et moi-même. Non, pas toi. Si, moi-même. Putain. Magus of the Library. Édité par Kihun. Oui. Vas-y. Écrit et dessiné par Mitsu Izumi. Je veux bien faire un petit résumé, si tu me permets. Eh bien, fais donc un résumé. Donc c'est l'histoire d'une librairie qui s'appelle Au gré des bulles. Donc on est sur un drame en un tome. Très court, très concis et très poignant. Ah non, on sera dû être sur 4 tomes, un tome par année. Ouais, enfin, bon. si tu veux. En 4 chapitres, éventuellement. Ouais, voilà, on est plus sur du 4 chapitres. Non, en vrai, j'ai aucune envie de faire le résumé, donc Sally, qui a beaucoup aimé, va s'en charger. Moi, j'étais là juste pour la blague vexante, et maintenant, on peut passer à la suite. C'est ça. Alors, Magus of Library, qui a été dessiné par Mitsu Izumi, je sais que tu l'as déjà dit, mais je préfère le répéter. Donc, qui, si tu le permets, est la dessinatrice et scénariste, il me semble, de Seven Garden chez Delcourt Tonkam et de l'adaptation de Ano Ana chez Panini en 3 volumes. Le premier est très mauvais et le second est plutôt sympa. Go. Et il n'y a pas de pour le tome 3 De quoi? T'as pas dit que c'était en 3 tomes? Ça, c'est en cours avec 2 tomes. D'accord, bon. C'est ça? C'est oui, ça que oui. Tu... Oui. Non. Et donc, du coup, c'est un manga qui parle de livres où on suit le jeune Shio, qui adore les romans, qui lit beaucoup de récits extraordinaires et qui, en fait, finalement, trouve un refuge dans les livres et les bibliothèques. Mais le souci, c'est que, genre, même s'il rêve de partir à l'aventure, en fait, c'est un gamin qui est sans ressources et surtout qui n'a pas de moyens, en fait, financiers. Il vit dans les bas-fonds de ses quartiers, etc. D'ailleurs, il est souvent harcelé à cause de ça, à cause de sa différence, parce qu'il a des petites oreilles pointues, qui est un thème assez... dans le manga. J'adore faire des résumés, c'est très bien. Et donc du coup, en fait, un jour, il se trouve qu'il y a des sortes de... pas de prêtresses, mais de personnes qui s'occupent de livres magiques, qui arrivent... Des gardiennes de librairie. Voilà. C'est ça. Des bibliothécaires. Des bibliothécaires magiques. Mais un petit peu stylé. Ouais, des bibliothécaires magiques, en fait, qui se ramènent dans sa ville... Car c'est possible qu'il y ait un livre magique qui puisse engendrer des catastrophes et tout ça. Et il va rencontrer ces personnes-là et sentir en fait qu'il est très attiré par ce métier-là et que c'est peut-être ce qu'il voudrait faire parce que pour lui, les livres, c'est vraiment sa passion et voilà. Non, mais c'est bien. Peut-être juste de préciser que ça se passe dans un monde un petit peu les nuits, heroic fantasy, mais qui fait très... Mille et une nuits, etc. Et voilà. Aussi, ouais. Il y a un côté oriental. Il y a un côté très très oriental dans l'inspiration. Oui. Il me semble. Si je ne dis pas d'absurdité. Ah non, oui, c'est même très très arabisant, on peut le dire. Ouais. C'est très beau. Oui. Ouais, déjà, commençons par là, c'est vraiment beau visuellement. C'est très joli. Enfin, moi je trouve ça joli, un peu comme du Kaoru Mori, c'est-à-dire joli, mais ça m'élève pas de grande émotion. Enfin. Voilà. Moi ça m'a vachement rappelé l'Atelier des Sorciers en fait parce que moi je suis beaucoup plus fan du style de l'Atelier des Sorciers que oui non bien sûr hein. Mais on va dire tu sais la patine de vouloir intégrer du design graphique à l'histoire tu vois plus que faire du dessin pour faire de l'enviro et des personnages c'est à dire que des fois ils vont essayer de créer une atmosphère avec le design des dessins justement de faire des sortes de comment ça s'appelle. Histoire de faire des fresques graphiques, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, c'est super cool, surtout que là, en plus, on parle de livres, donc c'est beaucoup lié à l'imaginaire et tout ça. Enfin, franchement, je sais que j'ai toujours beaucoup aimé les livres, ça a été ma première source d'amusement. Et ce sera toujours une source de découverte et d'apprentissage incroyable. Et un manga qui parle de bouquins dans un univers heroic fantasy, enfin, franchement, je pense que c'est mon coup de cœur du mois, pour le coup... C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais il y a beaucoup de points communs avec l'Atelier des Sorciers. Alors, enfin, peut-être pas graphiquement, même si les deux sont très beaux, mais plus au niveau de l'amour de la littérature et du dessin et d'une dimension un petit peu fantastique qu'il y aurait dans Star-là et qu'on retrouve dans les deux récits. Donc, ouais. Si vous aimez bien l'Atelier des Sorciers, il y a des chances que ça vous plaise. Oui, carrément. Mais alors que pourtant, la couverture, elle est pas très attrayante. Moi, j'avoue que j'ai vu la couverture, je me suis dit que ça allait être un shonen un peu putaclic, honnêtement, il y a vraiment, ça m'a pas du tout, ça m'a, la couverture ne m'a pas du tout plu. Alors c'est vrai que putaclic, je sais pas si ça peut s'accorder sur des trucs qui sont non internet. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'était vraiment genre, oh c'est un shoujo un peu à la mode et tout, qui parle de trucs un peu anciens. Ça fait très Maggie, moi je trouve la couverture. Ouais, c'est ce côté très oriental en fait. Ouais. Mais voilà, la couverture ne m'a pas du tout plu. C'est la première fois qu'une cover qui me plaît pas, mais que le contenu est formidable dedans. Moi, je trouve l'édition très très chouette. L'édition est jolie, mais je trouve que le dessin de couverture n'est pas attirant, quoi. C'est dans la collection Kizunade, donc oui. C'est pour grand public, voilà, petits et grands, voilà. La collection tout public. Alors que plus tard, on va parler d'une œuvre où la couverture était très sympa. Et voilà, c'est l'inverse. L'intérieur, vous êtes. C'est... Un truc écrit par Balibalé. Balibalibalou. Balibalibalou. Celle-là même. Balibalou, on a fait une chanson d'ailleurs. Dans son berceau. Qu'on vous chantera pas. Peut-être qu'Issam vous la chantera en bonus track. En post-prod. Balibalou. Moi, c'est comme Sally en fait. D'accord. C'est exactement le même avis. C'est un titre que j'ai lu d'une traite. Ça m'a passionné du début à la fin. Oui. J'ai chopé le tome 2 dès qu'il est sorti. Je l'ai pas encore lu, par contre, j'ai pas encore eu le temps. Mais ça ne serait tardé, c'est un titre que je recommande vraiment à tout le monde. Ouais, moi je suis un petit peu plus nuancé, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Ouais, voilà. Non, mais c'est parce que souvent ce genre d'univers, j'ai beaucoup de mal. C'est pareil avec Bride Stories, enfin, j'ai vraiment du mal à rentrer dedans. Je trouve que c'est très dense comme lecture, qu'il y a plein d'idées, que c'est très beau visuellement, mais je sais pas, il manque quelque chose pour vraiment m'accrocher et j'ai du mal à rentrer en accord avec le récit, avec les personnages. Et je trouve là en l'occurrence que. Le propos sur la littérature est parfois beaucoup trop naïf et moi ça a tendance à m'agacer de croire que les livres peuvent sauver le monde, parce que ça se saurait je pense. Et là c'est des livres magiques quand même. Ouais, mais on sent que le propos de fond c'est un propos sur la littérature, enfin le propos que veut transmettre l'autrice c'est un propos véritable auquel elle semble croire quand même que derrière des métaphores la littérature peut sauver le monde. Et puis, enfin, quelques incohérences dans le message et dans les idées des personnages qui, les prêtresses, là, voudraient que tous les livres puissent être lus par tout le monde, mais elles sont à la recherche d'un livre qu'il faudrait détruire ou enfermer pour qu'il soit lu par personne parce qu'il est dangereux. Enfin, il y a des genres de contresens. Enfin, si tu veux que tous les livres puissent être accessibles à tout le monde, bah, tu fais pas d'exception. Une fois de plus, parce qu'elle recherche des livres magiques qui pourraient être un danger. Genre, par exemple, là, à la fin, le livre qu'elle répare et qu'elle... elles prennent pour le ramener à la bibliothèque centrale, c'est quand même un livre qui fait du feu et qui fait sortir un phénix en colère. Oui, mais... Alors, je comprends que ça, ce soit pas de la littérature que tu vas y confier à n'importe qui. Mais on sent qu'il y a un message que l'autrice veut transmettre au travers de cet univers fantastique, et que ce qu'elle veut dire par là, c'est sans doute qu'il y a des bouquins qui transmettent des idées dangereuses, etc. Enfin, bon... D'ailleurs, putain, ils m'ont fait les cartes à jouer et ça fait Yu-Gi-Oh! Tout part de là. Non mais enfin bon, après ça c'est, je sais que c'est moi qui n'apprécie pas vraiment ce genre d'univers, ce genre de lecture, parce que je trouve ça osef, hein, pas parce que je trouve vraiment ça mauvais, mais je sais que ça peut plaire à beaucoup beaucoup de monde, que si vous aimez Maggie, l'atelier des sorciers, ou même Bright Stories, ou ce genre de titre chez Kiyun. Après le coup Maggie ça n'a rien à voir je trouve. Non mais c'est pour le côté oriental, plus, c'est plus pour l'univers. Parce que oui, en termes de récit, ça n'a pas... Quoique la suite a l'air de partir un peu sur une épopée, peut-être que ça rappellera plus Maggie ensuite. Ouais, Maggie c'est quand même plus aventure, action. Ah oui, voilà, non mais après, on sent vraiment que là, le tome 1, la fin du tome 1 laisse présager que ce n'est que le début. Bah c'est le début d'une quête initiatique. Voilà, mais donc que, a priori, il n'y aura pas 3 tomes, enfin, ou alors c'est que ça n'ira pas dans la direction de l'autrice. Parce que là, elle a l'air de partir sur un truc relativement long, ce qui d'ailleurs pose question, parce que la série met beaucoup de temps à sortir au Japon. Bah, tu peux tabler sur au moins entre 10 et 15 tomes. Bah, ça a l'air de partir sur ça, mais alors on en a pour longtemps. On arrive sur le culte du Hodomite, là, encore. Bah, un personnage venant d'un milieu très défavorisé, qui d'un seul coup se retrouve... Tout vient du Monomite, c'est ça. La majorité des textes viennent du Monomite. Non, mais je suis d'accord, mais c'est juste que j'étais en train de réfléchir au fait que... Pas forcément, parce que là, une fois de plus, les prêtresses, elles lui disent pas, bah, viens avec nous. Elles lui disent, peut-être que c'est ça qu'il faut que tu fasses, et après, elles se barrent, quoi. D'après ce que je me souviens. Oui. Donc, c'est pas comme si, genre, ça devenait le padawan et qu'elle le prenait avec elle, tu sais, pour le former, tu vois. Oui. C'est plus, si jamais t'aimes les livres, pourquoi est-ce que tu ne ferais pas ça? Mais pour l'instant, oui, t'es un enfant et... pas des mères de toi, mais genre on peut rien faire pour toi plus. Bon, par contre, elles se font toutes tuer dans le tome 2, je préviens, on est tout à fait dedans. Hein. Après, moi j'aime bien les personnages, pour le coup, j'ai plutôt accroché aux personnages, même aux héros. Et ouais, je suis curieux de voir où ça va, parce que vraiment la fin du tome 1, où il y a une ellipse, enfin c'est pas un spoil, mais donc il y a une ellipse à la fin du tome 1, et on sent vraiment qu'il y a une aventure qui va commencer. Oui, il passe de l'enfant à l'adolescent. Ouais, ça me rend presque curieux de découvrir la suite. Voilà, enfin. Bon, de bons personnages féminins aussi. C'est assez rare pour être souligné, c'est pas des love interest. Il ouais, y a quasiment que ça. Bon, après, que ça, des personnages féminins. Dans ce genre de récit, moi ça me fait vraiment le style graphique et l'univers me font penser à Bright Stories, même si jamais j'ai lu que le tome 1 et qu'il faudrait que je continue parce que j'aimais bien aussi. Mais c'est vraiment ce genre de récit porté par des femmes, etc. Et ah bah, story, en général, qui sont... C'est quand même plus terre à terre et... Ah oui, oui, mais le style graphique, le fait que ce soit le même éditeur et, oui. Et le fait que ça se passe aussi dans un univers oriental me font penser à Bright Stories. Le fantastique en moi et l'aspect littérature en moi. Mais... Donc voilà. Pour le coup, je suis sûr que ça, c'est une lecture qui va plaire à beaucoup, beaucoup de monde. Donc si jamais vous êtes tenté... Oui. En feuilletant ou par le thème, et bien lisez, voilà. Oh oui. Oh oui, lisez. Et le tome 2 est déjà disponible donc, et patientez pour le tome 3 qui ne devrait pas sortir avant un bout de temps. Mais du coup, vu que l'autrice a l'air de vouloir vraiment lancer un récit long, bah, j'espère qu'elle aura l'occasion et que ça va suffisamment bien se vendre au Japon pour pouvoir continuer comme elle l'entend. Voilà. Espérons-le, espérons-le. Et espérons qu'elle abrège... Seven Garden chez Delcourt Tonkam pour se consacrer à ça, parce que pour le coup la qualité me semble outrement moindre. Voilà, j'ai craché sur un manga Delcourt Tonkam, nous pouvons continuer. Passons maintenant à la suite de notre programme avec un manga que nous sommes trois encore une fois à avoir lu autour de la table, il y a beaucoup de trois. Écrit et dessiné par Sora Inoue, Mayball. C'était trop bien. Féminine, football. Ah, c'était super. En plus, c'est vachement... De toute façon, c'est d'actualité, donc de toute façon, ça peut être que bien. Édité par Ototo. Ah, bah alors là, ça ne peut être que du chef-d'œuvre. Ototo. Ototo Shonen. Ototo. Au programme, des nichons, des culs, du fan service. Oh, oui. Et des fois des ballons. Mais pas ceux auxquels on pense. Et du cabelto. Et c'était très nul. Est-ce que je peux... Parce que alors moi je l'ai pas lu, je me suis épargné cette souffrance. Juste le titre annonce la couleur parce que c'est My Ball. Ça raconte l'histoire de May qui est très amoureuse de... Comment il s'appelle ? De son ami d'enfance Kinemitsu. Et qui, présentement, Kinemitsu est très très très fan de football. Il joue dans l'équipe de son lycée. Il est très très très fort et tout ça. Il espère peut-être même... participer à des championnats japonais, etc. Et ça n'a jamais trop intéressé le football. Mais une deuxième nénette arrive et lui dit « Écoute, je veux faire un duel avec toi de foot, et si jamais ça marche pas, ton copain est à moi. » Et du coup, Mei se rebelle un petit peu et décide de... Parce que le consentement, on l'emmerde. Je me disais, si ça se trouve, c'est mauvais juste parce qu'il y a du fanservice, mais en plus, non, c'est doublement sexiste parce que sa motivation à faire du foot est sexiste. Non, oui, non, mais complètement. Tu vas pouvoir mettre le multiplicateur que tu veux dans très peu de temps. Okay. Voilà, et donc du coup, elle décide après, une fois qu'avec son adversaire, elles ont fait un duel qui a échoué, etc., pour tout un tas de raisons, décide de monter une équipe de foot, alors que le personnage principal le dit clairement, elle n'aime pas faire du foot. Alors, précision, d'accord. Elle arrive à tirer correctement, c'est simplement parce qu'elle pense au mec. Ah, ok. Oui, parce que sinon, elle n'y arrive pas. C'est un fantasme sur lui. C'est ça, c'est ses fantasmes qui la rendent super forte. Mais elle fantasme pas que sur lui, elle fantasme aussi sur la chef d'équipe de foot, sur en fait tout ce qui bouge. Oui, c'est le seul truc un petit peu rigolo du manga. D'ailleurs. Oui, non, mais moi je trouve ça marrant aussi. Hein. Le moment où il y a la petite seigneurie où tu te dis, oh, c'est en train de partir comment le truc. Ouais, ça, Et j'avoue que là, c'est à ce moment-là que j'ai regardé en quoi il était classifié. En me disant, tu vois, t'imagines tout. Et là, j'ai vu Shonen avec d'autres nanas et tout. Ouais. Non, voilà. En fait, le gros souci que j'ai avec celui-là, mis à part le fait que c'est un peu osef comme manga, c'est que c'est catégorisé comme du shonen et que clairement, c'est du ecchi, c'est-à-dire qu'on voit des tétons, on voit des culs. Enfin, pour moi, c'est. Après, mais même c'est l'affaire des magazines de prépublication, ce genre de catégorisation. Il y a plein de shonen de ce type qui sortent chez Delcourt Tonkam, chez Ototo et surtout au Japon. Il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'en France. Et pour le coup, la catégorisation ne se semble pas totalement absurde. Je vais regarder dans quel magazine de prépublication il est publié, voir si jamais il y a d'autres titres. Ouais, mais c'est juste que par exemple, pour un public français, je pense que c'est le genre de manga qui va intéresser des 13-15 ans. Parce que ça parle de foot. Parce que ça parle de foot, et clairement, c'est pas du tout. Enfin, de mon point de vue, c'est pas la bonne cible. Alors, déjà, c'est publié dans un magazine Seinen au Japon. Donc, je sais pas comment le vend l'éditeur, mais c'est un Seinen. Et c'est publié dans le même magazine que des trucs comme Attache-moi ou comme Berserk. Entre Attachement et Berserk, il y a du comme, Mayball, c'est incroyable. Ou comme Signal 100, les choses qu'on parle, ou dans un manga érotique très connu, Step Up Love Story, c'est publié dans le même magazine. Donc, et voilà, non mais Signal clairement. Signal 100, elle a mis beaucoup moins de malaise que ça. Hein. Et j'espère que c'est pas publié le même jour parce que sinon, c'est perturbant. Alors, est-ce que je peux faire un point représentation football ? Oui. On voit pas les moves. Non. Je pense pas que les lecteurs sont là pour ça. Non, tu es là, tu es là pour voir ça. Non, mais voilà. Elle a le ballon au pied, elle pense au mec, et tout de suite, t'as le ballon qui est dans les filets. Là, tu te dis... Le move. Voilà, le gros souci pour moi, c'est ça, c'est que ça va être des jeunes qui vont acheter ça et que clairement c'est de la lecture qui est pas bonne quoi. Bah, précisons aussi qu'elles sont très très très mineures et qu'à la limite je préfère que ce soit des jeunes qui achètent parce que ça m'inquiète un peu quand des gars de 30 ans lisent ça. Et oui ça... non on mais on en parle du passage exhib où elle est pas tout à fait d'accord parce qu'elle pense qu'ils peuvent être vus et tout. Il y en a plein des passages comme ça. Ouais, mais c'est vrai. Non, quand je disais, tu peux mettre le multiplicateur que tu veux, hein, parce que... On va ajouter des plus 1 à chaque fois. Coaching. Parce que t'as vraiment le forcing un peu de consentement, ou des trucs comme ça. Ah ouais, d'accord. Éclate-toi. Le fait qu'elle se réveille toute nue alors qu'elle l'a pas voulu, dans un lit qui est pas le sien. Coaching. Ok. Et que l'autre est très collante. Coaching. Mais genre très proche. C'est compliqué, ouais. C'est très nul. Voilà, voilà. Et là, on parle que du tome 1, là. Le tome 2, c'est du parce tonneau, que hein. Précisons que c'est en cours avec plus d'une dizaine de tomes au Japon. Oui. Et que c'est a priori pas prêt de s'arrêter. Ah, bah c'est arrangé à côté de Monster Musume. Hein. C'est ça. Après, pour sauver les meubles, on ne peut que féliciter une fois de plus la prouesse japonaise à toujours raconter des histoires qui, malgré un fond un peu faible, bah, j'ai quand même trouvé un peu. Je suis gentille, je tempère mes mots. J'ai quand même trouvé que genre les personnages étaient attachants, genre elles sont toutes différentes, même s'il y a de nouveau le gimmick des deux jumelles, ou qu'on voit assez souvent dans les trucs de sport, en mode bon on a besoin d'un personnage, mais on l'a besoin deux fois, donc ah une jumelle, c'est super arrangeant. Et voilà. J'attends le jour où dans un animé il y aura un des voilà par exemple deux jumelles, il y a une qui joue super bien et l'autre qui est dans les gradins juste à regarder sa sœur jouer. Tu vois un truc qui serait logique. Ouais, mais on s'en fout. Voilà. Alors, instant Issam. Est-ce qu'il n'est pas là, mais il a lu. Non. Et il trouve ça joli. Qui c'est, quoi ? Issam, visuellement, il trouve ça joli. Il trouve qu'il aime bien le dessin. Tu veux dire qu'en plus de ne pas aimer les chiens, d'être nazi, et il est pédophile en plus, c'est ça ? Non, il trouve le dessin joli. Oui, sauf que le dessin, c'est principalement des jeunes filles mineures qui se touchent. Donc, c'est vrai que c'est un peu inquiétant, quoi. Moi, je trouve le dessin quelconque, hein. Non mais il y a clairement des passages ultra etchy, je suis désolée. Mais moi, de ce que j'ai feuilleté, ça me semble vraiment... N'importe quelle page que j'ouvre, c'est ça. Hein. Hop, il y a une loli, c'est mignon. Bah, toutes c'est des lolis. Il y en a pas une seule qui a l'air majeure. Il y a une surloli. Ah, c'est-à-dire que toutes on a l'impression qu'elles ont 13 ans, mais il y en a une on a l'impression qu'elle a 7 ans. Voilà. C'est vraiment pour les pires... Et même elle te donne ses mensurations. Ah d'accord. Pour ton plus grand bonheur. Intéressant. Non mais... Peut-être finir sur une recommandation plus positive. Alors moi je l'ai pas lu, mais il y a Sayonara Football par l'autrice de Your Lie in April. Ouais. C'est en deux volumes et c'est chez Kiun. C'est très bien. Et ça parle aussi de football féminin. De football. Enfin non, pas de football féminin, d'acceptation des femmes dans le sport, dans un sport qu'on football. Pourrait considérer comme masculin. Donc en tout cas, ça parle de jeunes filles qui font du foot. Et vu que l'autrice publie de bonnes choses, j'imagine qu'il n'y a pas trop de sexualisation. C'est très très bien. Et par ailleurs, c'est beaucoup plus court vu que c'est en deux volumes et c'est sans doute beaucoup beaucoup mieux, je te crois Chris quand tu le dis, parce que j'ai toujours eu envie de le lire et ce serait peut-être l'occasion. Ah c'est bien, il y a l'imitation d'une joueuse par ballon dans le bide aussi. C'est moi ou c'est en train d'être en train de relire un truc de merde là? Ouais. En fait peut-être que vous aimez bien. Hein. Enfin, peut-être que vous aimez torturer. Ça lire repasse au tome 2. Ce que Issam avait trouvé. Non, il a trouvé ça joli visuellement. Ah, moi je trouve même pas ça joli. Mais moi non plus. C'est relativement maîtrisé mais... C'est quelconque. Et à partir du moment où tout ce qui est dessiné, c'est des filles mineures à poil, bon, j'ai du mal à trouver ça joli. Ouais, mais elles ont quand même des mensurations différentes, c'est rendues à l'image. À la limite, on en parlera après, je préfère largement le fanservice d'un auteur comme O'Great, que là, pour le coup, c'est vraiment beau, et c'est aussi beaucoup, beaucoup de fanservice, mais au moins, c'est joli, et vraiment, c'est beau, quoi. Là, ça aurait dû être carrément une taille, et on s'en fout du football, et puis voilà, quoi. Bah, Non, mais clairement... Ouais, en fait, le souci, c'est que c'est exactement ce genre de manga qui fait que le manga perd de la force d'un point de vue d'un gars qui en lit pas, tu vois. Parce qu'il va se dire, oh, My Ball, ça parle de foot, il va l'ouvrir, et il va se dire, putain, c'est pour les gamins, il y a que des seins, ça raconte rien. Alors que c'est comme quand on est le jeu vidéo Call of Duty, tu vois, et elle a sa communauté. Je trouve ça ultra dommage, en fait. Surtout la communauté. Il y a tellement plus à lire dans le manga que ça, enfin... Oui, et puis des, bah surtout des trucs de sport, il y en a des très bons. Aïe, oui. Mais, Hippo pour le... Pour la boxe. Pour la boxe, il y a... Dream Team pour le basketball qui est moins connu chez Léna. Pour le basketball, il y en a plusieurs des très bons. Slam Dunk, évidemment, qui est en train d'être republié. Est-ce qu'on n'en a pas fini avec Mabel? Mabel, on n'a pas fini avec nous. Le tome 12 vient de sortir au Japon. Mais on ne le lira pas et nous ne le réclamerons pas non plus. Alors ça, si je peux me permettre, c'est sûr que dans 6 mois, il y a une adaptation animée qui sort. Ou alors mais peut-être que... Elle est déjà sortie quelque part, je suis sûr. Oh, je pense pas. Peut-être que Issam demandera la suite. Nous verrons ça avec lui. Oh là là. Ça se trouve, c'est pour ça qu'il se cache. Il est en train de regarder tous les scans. On t'a grillé, Issam, salaud. Il est temps de parler d'un manga écrit et dessiné par Billy Bali Bali Billy Bali Bali Billy Bali Bali né un 12 juin non 12 juillet merde 12 juillet alors c'est un one shot publié chez Taifu appelé Un Boys Love Midnight. Un Face of Midnight. La couverture est très jolie. La couverture est très jolie, le dessin intérieur est très nul à chier. Voilà, elle est comme ça, on a fait non, les avantages. Non, c'est pas qu'il est nul à chier, c'est juste qu'il Osef. Est... Il est Osef, il est ordinaire. Alors que la couverture est vraiment très jolie. Oh, moi, alors, il y a vraiment des passages que je trouve ça pas beau. Non, il y a des passages où t'as l'impression qu'en fait, ça n'a pas été fini. En gros, les assistants sont pas passés derrière. Mais c'est quoi ça? Je suis pas sûr qu'elle ait d'assistants. C'est quoi ça? C'est quoi cette case? Non mais, t'as l'impression que le travail n'a pas été fini. Non, on dirait qu'il n'y a pas d'assistants. Alors c'est la case, mais il n'y a pas de numérotation sur les cases. Il y a deux chapitres 4. Il y avait une case. Il y a deux chapitres 4. Oui, il y a un problème dans la numérotation des chapitres. Alors si on est comme ça, c'est parce que malheureusement une grosse partie du podcast a sauté. Deux titres, trois. On est resté longtemps. Une grosse partie du donc podcast. Donc on doit reparler de ce truc. Et nous, c'est pas déjà que parlé. On n'est pas trop chaud parce que c'est pas une lecture qu'on a appréciée. Donc je vais retirer ce que j'ai dit, c'est que j'avais une amie qui faisait des amis qui faisaient du RP écrit yaoi et que j'avais vraiment l'impression de lire exactement la même chose. Mais sinon on va peut-être laisser Chris pour faire un résumé. Juste donc, un c'est résumé. Donc c'est l'histoire de Kazushi qui a vécu un traumatisme dans son enfance, qui a du mal à dormir du coup, qui a des insomnies. Aïe, aïe, aïe. Et en entendant la voix d'un de ses collègues, ça l'apaise, il arrive à passer des bonnes nuits, et du coup ce collègue va se dire, bah puisque grâce à moi tu passes des bonnes nuits, je vais venir dormir chez toi jusqu'à ce que ton problème s'arrête. Il se trouve que le problème s'arrête pas et que bah, ça va aller plus loin. Et qu'une histoire d'amour va naître entre les deux personnages. Voilà le postulat de départ que je trouve intéressant, oui. Mais qui est très mal exploité, parce que très expéditif. Oui. Voilà. Alors personnellement, c'est une œuvre que j'ai pas aimée, parce que je trouve que le trauma du personnage principal est très mal mis en place. Et bah, voilà. Il est facile aussi. Oui. Parce que t'as pas vraiment d'explication, c'est. Ouais, bah j'ai connu un traumatisme dans mon enfance, puis basta. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu la solution de facilité. Ouais. J'ai trouvé que c'était une fois de plus parler d'un sujet non maîtrisé et ça m'énerve plus au point, surtout. Quand en fait, ouais, enfin, se servir de ce genre de truc relativement grave dans la vie des gens, juste comme un élément narratif sans aucune importance et sans y prêter un minimum d'attention dans le traitement, aussi, ouais. Voilà. C'est un peu saoulant en fait. Exactement. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans énormément de Boys Love, notamment avec le viol, où souvent le traumatisme est traité comme un truc qui permet de diluer un petit peu la relation et l'éloignement entre deux personnages, alors que c'est beaucoup plus grave que ça. Et là, en l'occurrence, c'est pas un viol apparemment, parce que moi je l'ai pas lu ce Boys Love. Mais ouais, c'est un problème récurrent dans ce type de récit, et je suis d'accord que c'est très très chiant. C'est exactement ça. Le pire, c'est que dans les trucs justement où ça parle de cette fille de viol, par exemple, des fois, une fois qu'elle est en couple avec la bonne personne, ça va bien. Non, la personne est détruite ta vie, même en couple. Voilà, après, il y a des personnes qui gèrent le viol différemment et on peut sans doute s'en remettre, mais faire juste que ce soit un élément perturbateur qui retarde un petit peu le récit sans le traiter comme un vrai sujet et prêter vraiment une grande attention, voire parfois en le sexualisant beaucoup dans les Boys Love, parce qu'il y a aussi ça. Hein. Il y a masse de boys love où le viol c'est monnaie courante et bon là en l'occurrence c'est pas du tout le sujet mais ça c'est à mettre en lien avec le fait que le trauma est souvent très mal géré dans ce type de récits courts et qui sont pas totalement dédiés à ça vu que c'est surtout une romance. Ouais c'est ça. Vous avez autre chose à dire? Mis à part que l'auteur que l'autrice a un nom extraordinaire. Voilà donc Billy Bally Bally. Et elle a sorti une série en deux volumes chez Boys Love UDP qui s'appelle Asa et Mitya, que nous n'avons pas lu. Et pour le coup, je crois qu'il y a de relativement bons retours, il me semble. Enfin, j'avais vu quelques personnes en parler en bien, ce qui n'est pas le cas de celui-là. Donc peut-être renseignez-vous sur son autre œuvre qui est en deux volumes, et peut-être que ça vaut plus le coup, je ne sais pas. Si vous aimez Boys Love. Et Billy Bally Bally. et Billy Bally Bally. Et ça se trouve, c'est le brouillon. Et puis en fait, le vrai manga, il était bien, mais l'éditeur a pris le brouillon en disant ouais, c'est bon, on édite. Maintenant, souvent, les Boys Love de Taifu sont moins intéressants que ceux de Boys Love VDP. Ouais. Je trouve. Clairement. Même s'il y a aussi de bons trucs chez Taifu et qu'il y a aussi de la merde chez Boys Love VDP. On dit pas le contraire. Mais de manière générale, si jamais par la même autrice, il y en a chez Boys Love VDP et chez Taifu, je me sens davantage. S'il fallait faire un camembert qualitatif, voilà. Le pourcentage serait plus élevé chez Boys Love, quoi. Ouais. Chez Boys Love Edition. Je pense qu'on a assez dit de cette magnifique œuvre de Bali Bali Bali, rappelons-le. Et nous allons parler d'un titre d'Akata. Un one-shot qu'on est encore une fois trois à avoir lu autour de la table. Sally, Arthur et moi-même. Stand By Me, Love Letter. Est-ce que tu veux nous faire un petit résumé? Alors, je l'ai lu il y a un bout de temps, Arthur. Donc c'est un petit peu risqué, mais bon. Ou plutôt, c'est... Sally. Relativement Elle simple. Elle ne veut pas. Non, non. Bon, en vrai, oui, c'est que c'est relativement simple, je vais aller à l'essentiel parce que c'est une romance extrêmement classique. Et puis en plus, c'est un one-shot, donc on va pas c'est un, c'est un one-shot. Dire, en gros, c'est l'histoire d'un premier amour entre une jeune fille et un garçon de sa classe, et donc c'est leur rapprochement. Et à la fin, ils se mettent en couple, évidemment, et c'est tout mignon. Ah, t'as tout spoilé. Ah, mon dieu, à la fin, ils se mettent en couple. Qui s'y attendait? Donc bon, pour le coup, c'est une première œuvre, il me semble, ou en tout cas, oui, d'ailleurs, je me souviens que Bruno Dakata avait bien précisé, c'est une première œuvre d'une jeune autrice qui assume totalement le fait de faire un manga au scénario tout à fait classique et tout à fait dans les gonds de ce qu'on peut attendre d'un récit court shoujo et d'une romance lycéenne. Mais pour moi, c'est une lecture que j'ai trouvée très agréable, parce que la narration et la manière dont elle raconte cette histoire on ne peut plus classique est vraiment très très sympathique, et notamment le dessin que j'ai beaucoup apprécié. Pour une première œuvre, je trouve que c'est très très expressif, que l'autrice a vraiment conscience que quand on part avec un scénario classique, il faut vraiment se démarquer avec la narration. Et vraiment, elle propose de très belles choses au niveau du découpage, au niveau de perspectives très intéressantes, et que... Elle fait des visages très expressifs, voilà, il y a pas mal de scènes plutôt mignonnes, elle arrive à mettre en place des situations relativement touchantes et qui rendent la lecture divertissante malgré tout, et je pense que c'est une bonne mise en place de son œuvre et un bon exercice pour elle, et j'espère que par la suite, elle publiera des lectures, enfin des œuvres un petit peu plus ambitieuses, et je pense que là en tout cas, il y a un grand potentiel à exploiter. Donc voilà. Que ça sort chez nous aussi. Ça sortira chez nous parce que. Après, Akata étant Akata. Akata étant Akata, et Akata a annoncé qu'il voulait justement suivre le parcours de jeunes autrices qui débutent et les voir évoluer au fur et à mesure. Ce qui me semble être une très bonne idée. Et là, pour le coup, ouais, on sent vraiment qu'il y a un gros potentiel et que. Il me semble qu'elle est en train de publier autre chose au Japon, une série plus longue. Il y a vraiment moyen que ce soit très très très intéressant de l'avoir ça, sur des récits très, très mignon. Développés. C'est mignon comme tout, c'est adorable. C'est mignon comme tout. Donc, si vous aimez les shoujo, que vous avez un petit budget, que vous cherchez une romance lycéenne bien dessinée, avec une grande attention aux arrière-plans et aux décors, parce qu'il y a un grand, grand travail graphique, eh bien, je pense que vous pourrez être séduit par ce petit one-shot, on ne peut plus, sympathique. Sympathique. Sympathique, c'est le mot. Et toi, Sally, t'as bien aimé ou pas? En fait, déjà, je lis pas énormément de shoujo, parce que c'est un style qui ne me plaît pas plus que ça. Je préfère les shonen et les batailles, genre les batailles. Enfin, c'est plus les romances que t'aimes pas, parce que par exemple, on en a pas encore parlé dans cet espace-temps parallèle, mais plus tard nous allons parler. Par exemple, le jardin secret qu'on avait fait la dernière fois. Jardin secret. J'avais trouvé ça vraiment super cool, mais parce que c'était peut-être lié à d'autres choses, genre ça parlait aussi beaucoup du langage des fleurs, ça apportait d'autres éléments que la simple romance entre les deux personnages. Là, comme tu l'as dit, c'est un récit assez classique et j'ai trouvé que le dessin était encore un peu tâtonnant parce que c'est une première œuvre. Et du coup, entre le dessin qui m'a pas forcément séduit à 100% et l'histoire qui était classique, ben, je m'y suis pas retrouvée. Alors je l'ai lu d'un trait, c'était pas désagréable non plus, comme par exemple... Mayball. Mayball ou Morpheus of Midnight. Orpheus. Morpheus, c'est inspiré par Matrix. C'est ailleurs, ça. Ah bah tiens, Matrix. Morpheus of Midnight. Un film que Issa n'aime pas non plus, donc on peut en dire du bien. Matrix, c'est plutôt sympa. Non, moi non plus, j'aime pas Matrix. Ta gueule. Mais voilà, et du coup, je l'ai juste trouvé basique et c'est pas un récit qui m'a subjugué, quoi. C'était pas désagréable, mais j'ai pas trouvé ça incroyable. Oui, c'est parce que c'est concentré uniquement sur la romance et que... Ouais. pour le coup, si jamais vous êtes hermétique aux romances, c'est peut-être pas un truc qui vous parlera. Mais en fait, ce que je voulais te dire avant, c'est qu'il y a des shoujo d'aventure, etc. Enfin, comme Immortal Rain, par exemple. Oui, shoujo ne veut pas dire. Qui est un shoujo avec de l'aventure et plein de bastons, ou le Requiem du Roi des Roses, où il y a même des shoujo d'horreur. Enfin, tous les mangas de Kazuo Umeza, notamment, c'est du shoujo. Non, donc, mais après, je... dans ma bibliothèque, j'ai des shoujo. Ouais. Shoujo ne veut pas dire romance. C'est juste ça, je voulais dire que shoujo ne veut pas dire romance, mais voilà. C'était une précision. Mais oui, des romances basiques, je pense que j'en ai trop lu pour qu'aujourd'hui, si jamais il n'y a pas un petit quelque chose en plus, ce soit intéressant. J'ai juste trouvé ça basique. En fait, moi, j'ai vraiment trouvé que ce quelque chose en plus, c'était le dessin et la narration, mais si jamais on n'est pas plus accroché que ça à part ça... je comprends que ça soit pas de grand intérêt. Donc soit vous aimez beaucoup la romance, soit vous aimez beaucoup le style graphique, et à ce moment-là ça peut vraiment vous intéresser. Ou même si jamais vous êtes curieux de découvrir ce qu'elle va publier par la suite et que vous voulez voir d'où elle part, eh bien ça peut être intéressant. Oui. À petit prix, à petit budget. Dans la collection des one-shot shoujo d'Akata. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire la pub à un autre titre de cette collection qui s'est plutôt mal vendu alors que c'est génial. C'est Voyage au bout de l'été. C'est très très très bien. Lisez ça. Lisez Voyage au bout de l'été. Ça a déjà un ou deux ans, ça. Ouais, c'est un peu vieux, mais ça s'est relativement mal vendu et c'est par une autrice qui n'a pas eu de chance en France, qui a vu pas mal de ses séries s'arrêter en cours de publication. Chez Panini. Je vais te le prendre. Ah. Et qui pour le coup parle d'un mangaka qui publie des shoujo et qui veut pas qu'on sache que c'est un homme. Il est bien sûr. Et il est super bien. Faut pas être hermétique par contre au visuel longiligne du personnage. Ouais, ben c'est un style graphique. C'est l'anorexie 3000. Parce que c'est une autrice qui publie d'ailleurs toujours, mais qui a commencé sa carrière dans les années 80-90, il me semble. Enfin, en tout cas, elle a pas mal d'ancienneté. Donc elle est très très marquée par un style shoujo traditionnel, grands yeux et corps tout fin, un peu à la Clamp dans leur moment de grâce. J'adore Clamp. Clamp, les corps bâtons. Mais alors, moi, ceci dit, j'adore Clamp, donc je ne lançais pas sur Clamp. Ah oui, effectivement, je confirme, Voyage au bout de l'été, voilà. Très très bien. Mais comme beaucoup de one-shot de chez Akata. Collection. Oui, bah oui, hein, de toute façon, chez Akata. Globalement, il n'y a pas grand-chose à acheter au niveau des shoujo. Déjà, au niveau du shoujo, il n'y a pas grand-chose à acheter. Et en plus, encore plus dans les one-shots. Ouais. Donc, il y a deux, trois trucs OZEF au niveau des shoujo, mais Mais bon. Mais OZEF ne veut pas dire acheter. OZEF, ça veut pas dire acheter. Et par exemple, là, Stand By Me Love Letter, en soi, je pense qu'au bout d'un moment, ce sera un petit peu OZEF. Mais c'est quand même très bien, donc lisez-le si vous aimez ça. Voilà. On se répète, hein. Un peu. Ouais. Et encore, on n'en avait pas parlé de celui-là. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est quand on doit parler de trucs qu'on a déjà parlé dans un autre espace-temps. L'espace-temps. Dans le vrai monde de la vérité véritable. Nous allons maintenant parler d'un titre qu'on n'a pas encore abordé, que ce soit dans un espace-temps ou dans un autre. Ah. J'ai des voisins bruyants. Godzilla. Godzilla, qu'est-ce qui se passe? Nous allons parler de Echoes de Kei Sambe, édité par Kiun, comme la majorité de l'œuvre. L'entièreté de l'œuvre de Kei Sambe. Oui, d'ailleurs, l'entièreté. Je vais vérifier, mais. Donc peut-être tu vas nous en faire un petit résumé. Nous sommes trois autour de la table à l'avoir lu. Décidément cette émission c'est du grand n'importe quoi. Je vais pas faire de résumé parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu. C'est plutôt toi qui vas t'en occuper. D'accord. Sally. Non. Tu l'as pas lu? Non. Je vais faire le résumé mais je l'ai pas lu. Y a que toi et moi qui l'as lu. Bon bah alors. Ça va être parti. Fais un résumé mon jeune ami. Ça va être parti. Précisons que c'est en cours avec 3 volumes au Japon. Mais qu'à mon avis c'est pas destiné à être une longue série. Sans doute pas parce qu'il fait pas de longue série. Bah ça fait longue et quand il reste du coup. Oui. Ouais, en 6 volumes, 7, non. 6, 8. Ok, d'accord. Et c'est un thriller fantastique. Et donc ça parle de Senri qui en étant jeune. A connu un drame puisque toute sa famille, donc parents et son frère jumeau, je sais pas s'ils sont jumeaux. Jumeau. Ouais, son frère jumeau se sont fait assassiner par un mystérieux tueur. Effectivement, c'est ballot comme. C'est plutôt une enfance pas top quoi. Et disons que quand tu reviens chez toi et que tout le monde est mort, c'est pas ça compliqué. Pue le sang, enfin c'est chiant quoi. Ouais. Donc bon, il part du mauvais pied dans la vie. Et on le retrouve au lycée environ, enfin je crois, un truc comme ça. Oui, au lycée. Et il s'est mis en tête de retrouver le tueur de sa famille et de venger les siens. Faire la loi du talion. Faire la loi du talion et de récupérer sa dignité d'homme brisé. Et le seul indice qu'il a pour retrouver ce mystérieux meurtrier, c'est un tatouage. Non, c'est des cicatrices. Ouais, des cicatrices, je ne sais plus. Voilà, enfin, donc, des marques sur le bras de l'assaillant. Alors, comment a-t-il fait pour voir ses marques alors qu'il n'était pas là lors du meurtre? C'est parce que, quand il était petit, il avait une connexion toute particulière avec son frère jumeau, puisque quand l'un ressentait une émotion forte ou était blessé ou voyait quelque chose de marquant, l'autre avait accès à cette perception également. Du coup, il a pu voir au travers des yeux de son frère le meurtre de sa famille, et donc un visuel de l'assaillant. Il a également souffert des coups de couteau, il me semble, conçus sa famille. Donc voilà, ça fait qu'il a été très très impliqué dans le drame. Voilà. Bon, en même temps, quand toute sa famille se fait tuer, on est généralement impliqué. Quelque part, on se sent un petit peu concerné. C'est pas genre oh yolo. Oh yolo. Donc voilà, il se met à la recherche de cet assaillant. Le récit part vite et il est aidé d'une de ses camarades de classe. On se demande un petit peu ce qu'elle fout là d'ailleurs. Mais bon, pourquoi pas. Si tu veux rejoindre l'aventure, viens. Mais bon, qu'est-ce qu'elle fout là? Enfin, c'est pas grave. Ah, je crois que ça va être un personnage intéressant, justement. Oui, elle est plutôt intéressante, mais je vois pas ce qui motive le fait qu'elle se sente concernée par l'histoire et qu'elle vienne... Je sais pas, peut-être parce qu'elle l'apprécie. Peut-être parce qu'il y a besoin d'un personnage féminin dans le manga. Oui, peut-être aussi. Oui, ça me paraît plus ça, quand même. Je pense qu'apprécier les gens, ça peut sans doute suffire à avoir envie de les aider, quand même. Mais bon, là, quand même, elle sort en pleine nuit faire des trucs un petit peu hardcore... sans trop savoir pourquoi, mais bon, donc je trouve que le récit, oui, d'accord, ça se met vite en place, ça avance vite. Déjà à la fin du tome 1, on a de grandes avancées, donc pour le coup ça patine pas, ce qui est parfois le problème des premiers volumes de ce type de manga, voilà. Ouais, mais rarement chez cet auteur là, le rythme est toujours assez maîtrisé, c'est pour ça que je pense que ça va pas être un long manga. Ben, j'espère pas, mais pour le coup ça peut être intéressant à suivre. Moi je suis pas ultra captivé, mais c'était une lecture plutôt plaisante. Je suis un petit peu sceptique face à l'utilisation de cet élément fantastique entre les deux frères, parce que je me demande comment ça va pouvoir être réutilisé dans la suite. Et j'ai l'impression que... À mon avis, l'autre frère est pas mort, c'est un truc comme ça. Genre, non, je pense qu'il est vraiment calé, mais à mon avis, c'était juste pour permettre de mettre un coup... pour faire démarrer l'enquête, quoi. Ouais, mais bon, quand tu mets quelque chose d'aussi important que le fantastique dans un récit... Après, à voir si ça va revenir. À voir si ça va revenir, mais bon, je sais pas. Sinon, ce qui est génial, c'est que le résumé, moi, ça me fait penser à un truc qui pourrait tout à fait être un scénar de film de John Woo. Vous êtes à la vengeance, t'as un petit truc un peu bizarre, mais un peu dans le truc. Là. Visuellement, l'auteur a un style qui plaît ou déplaît. Moi, je suis pas ultra fan, mais je trouve ça propre, donc ça me dérange pas non plus. C'est ça. J'aime beaucoup la couverture, par contre. Pardon, c'est l'eau. Si vous entendez quelque chose, c'est de l'eau qui boue. Je me refais un café. T'aimes bien la couverture ? J'aime bien la couverture. Ouais. Je la trouve loose. Moi, de base, dès qu'il y a un coucher de soleil sur un dessin, sur une photo, sur une couverture, je suis relativement fan. Donc, voilà. Kink, coucher kinker. De soleil. Ah ouais, non, mais moi, 100%. Donc, ouais, non, je... Déjà, enfin, ouais, en général, j'aime bien les couvertures de cet auteur. Elles ont toujours une bonne ambiance. Enfin, une bonne ambiance. Une bonne ambiance, enfin, les couvertures de Iris, fond blanc avec des personnages devant. Oui, mais je trouve ça plutôt efficace. Tu la sens, la teuf, là, en regardant la couverture? Non, mais une bonne ambiance, dans le sens, ça transmet vraiment une ambiance... Pour le coup, la couverture retransmet vraiment l'ambiance du coup. Ah oui, non, mais c'est ça que j'aime bien. Bon, après, voilà, moi, je trouve que c'est maîtrisé, que je pense que l'auteur sait où il va, que... Mais peut-être que du coup, ça manque un peu d'âme. Moi, c'est ça qui manque souvent dans ces récits. Je trouve que c'est un peu plat. Enfin, c'est vraiment le genre de thriller qu'on voit pas mal en France en ce moment. Il y a My Omiro chez Kurokawa, enfin, ce genre de choses. C'est un peu fade pour moi. Je m'ennuie un peu, mais bon, je suis content que ça plaise. Et à mon avis, ce sera de plutôt bonne facture quand ce sera fini, parce que voilà. Alors moi, ceci dit, la fin de l'île de Ozuki m'avait absolument déplu. Et finalement, en y repensant, parce que je l'ai lu très jeune, je pense que c'est ce qui me donnerait presque envie de la relire, parce que pour le coup, il avait fait une fin vraiment surprenante. Bah, bien sûr, c'est trop bien. L'île de Ozuki. La fin de Erased, pareil, m'a déplu de ouf. J'ai pas lu Erased non plus. J'ai plus l'animé, mais j'ai été ultra déçu de la fin de Erased. Quoi. Est-ce que la fin de l'animé est la même que la fin du manga? Bah, justement, c'est la question que j'allais te poser, mais puisque tu ne les as pas lus, tu es donc inutile. Voilà. Moi aussi, je t'aime beaucoup. C'est un auteur qui a l'air de faire des fins toujours assez tranchées, assez surprenantes. Je pense que en relisant l'île de Ozuki, ce que je ne ferai pas, puisque je les ai revendus, mais ce serait peut-être ce qui me donnerait envie de le relire en fait. Parce que... Donc je suis assez curieux de voir où est-ce qu'il nous emmène et ce qu'il veut proposer avec cette œuvre. Ah, moi j'ai beaucoup accroché à ce premier tome. J'ai été pris dans l'intrigue vraiment. Il y a vraiment que le dessin. C'est pas... Il n'a pas un dessin repoussant, mais c'est clairement pas pour son dessin que je lis les séries qu'il fait. Clairement, plus pour l'intrigue et pour l'ambiance qu'il arrive à développer. Je kiffe carrément le dessin, il est atypique, mais c'est le genre de dessin que j'aime beaucoup. Ah oui, mais un peu, c'est pour ça que je dis que le dessin, vraiment, ça plaît ou ça ne plaît pas. Il a vraiment un style particulier. Ah, je me disais, au niveau des pouvoirs entre les frères, ça aurait été marrant qu'il sente, son frère se décomposer en plus pendant tout le long. Mais t'es dégueulasse, toi. Le lien est pas coupé, tu sais, eh merde. Mais t'es dégueulasse. Nous allons parler. Incroyable. Nous allons laisser Ikos derrière nous. Et nous allons. Ah bah, pour le coup, c'est le coup de cœur de beaucoup. Oui. Toi, t'as bien aimé aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi. C'est écrit et dessiné par Hiromi Takashima, édité par Taifu dans la collection Yuri. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu de nouveautés Yuri. Mais en fait, ils ont lancé la collection parce que ça, enfin, le Yuri a toujours un petit peu bidé en France. Mais il y avait ces trucs quoi, qui marchouillaient. C'est plutôt mauvais, donc je suis content qu'il y ait d'autres trucs bien qui sortent. Nous parlons de Kaze-san et les Belles de Jour. Les Belles de Jour. Les Belles de Jour. Qui sont des fleurs, ce que je ne savais pas. Qu'est-ce que c'est que ce titre de merde? En fait, non, c'est pas un titre de merde parce que ce sont des fleurs. J'ai juste aucune culture. Est-ce que c'est un spin-off de Jardin Secret? Alors t'as aucune culture de fleurs, ce qui n'est pas donné à tout le monde d'avoir de la culture sur le monde des fleurs. Mais Kaze-san s'y connaît bien en fleurs, puisque quelle est son histoire à Kaze-san? Merde, micro. Il ne l'a pas lu. Allez, fais-nous un résumé, mon petit. À moi encore? Ah oui, à moi encore. Tu es le meilleur pour faire les résumés. Oui. Lol. Donc, c'est l'histoire de Kaze-san, une jeune lycéenne encore, il me semble, c'est souvent ça. Qui est plutôt solitaire et qui a pour passe-temps de s'occuper des fleurs qu'il y a devant son école. Vous m'arrêtez, hein, c'est une bêtise parce que je l'ai lu un peu. Tu ne dis que des bêtises de toute façon, si d'accord, très bien. Mais donc bon, il me semble qu'elle s'occupe de fleurs devant son école, donc de fleurs qui sont des belles de jour, d'où le titre. Et alors qu'elle s'en occupe, elle fait la connaissance d'une autre jeune fille qui... C'est... je me trompe. L'héroïne ne s'appelle pas Kaze, parce que Kaze, c'est l'autre jeune fille. Donc l'héroïne s'appelle... Yamada. Parce qu'en fait, l'héroïne est amoureuse et de Kaze et des Belles de Jour. Ouais, elle est pas amoureuse des fleurs, elle aime bien les fleurs, quoi. C'est un peu excessif de dire qu'elle c'est est amoureuse des passion. Fleurs. C'est une passion. Ah putain, je suis d'accord. Elle aime les fleurs. Ok. Donc, la jeune Yamada s'occupe des fleurs. Elle rencontre la jeune Kaze, qui est dans l'équipe d'athlétisme du lycée et qui aime bien aussi les fleurs. Et donc, elles vont se lier d'abord d'amitié autour de ça. Et petit à petit, un peu plus que de l'amitié... Voilà. Kokoro, petit cœur fragile, petite romance lesbienne toute mignonne comme on les aime, voilà. Donc c'est de la pureté du choupinou à l'état ultra ultra pur. Des arcs-en-ciel, des licornes. C'est vraiment ultra mignon et en même temps relativement mature sur pas mal de trucs. Oui. Il n'y a pas de sexualisation dégueulasse des personnages. Mais par contre, il y a quelques moments où on sent une tension entre elles qui rend le récit un peu plus intéressant que si c'était totalement mièvre, même si c'est souvent très mièvre, mais c'est pas immature en même temps. Genre, c'est pas saoulant quoi. Ça tourne pas autour du pot en plus dans la relation. Ouais, oui. Ça tourne pas autour du pot. La fin du tome 1 donne vraiment envie de lire la suite. C'est fini en 3 tomes, je sais pas si on l'a dit. Ouais, non, on l'avait pas dit, mais oui, c'est d'accord, terminé en 3 donc tomes. C'est fini en 3 tomes. Et ouais, pour le coup, c'est vraiment une romance ultra mignonne qui a beaucoup de plus-value parce qu'on en voit pas beaucoup des Yuri. Que graphiquement c'est vraiment très très très mignon, qu'il y a plein de situations super mignonnes, que les deux héroïnes sont très attachantes, et voilà, bah, je pense qu'on a tous aimé. Qui veut en dire deux trois mots? C'est le style graphique surtout qui m'a accroché, c'est à dire que il y a une délicatesse dans le dessin, et même pour une fois les grands yeux, c'est pas quelque chose de désagréable, c'est à dire que elle joue assez bien avec les expressions pour que ce soit un atout plus que un non-atout. Et vu que j'ai zéro, aujourd'hui j'ai zéro vocabulaire, voilà, plus qu'un défaut. Et même si des fois au niveau des corps, par exemple des bras et des mains, c'est un petit peu plus... un peu moins bon, un peu plus vite fait, ouais. C'est... L'histoire, en fait, elle est tellement portée par la mignonneté du truc que c'est... Enfin, je suis tombée dedans et je suis tombée amoureuse de Kaze-san et Yamada et des Belles de Jour. Et les Belles de Jour. Ouais, mais ouais, enfin, justement, je trouve que le côté presque maladroit et un peu enfantin du trait, justement, ça rajoute à ce côté vraiment mignon, donc c'est presque une qualité, en fait. Et juste pour dire, il y a un animé, parce que je ne savais pas du tout. Bon. Alors, je sais pas si c'est un film d'animation ou une série, c'est une série, donc... c'est sorti l'année dernière, personne n'en parlait, mais donc il y a un animé. Mais donc, c'est dispo chez nous en France ? J'en sais rien, c'est pas écrit, mais si jamais quelqu'un a vu l'animé, n'hésitez pas à donner... Est-ce qu'il faut appeler un tonton japonais pour qu'il t'envoie la cassette ? J'en sais rien. Mais voilà, donc j'imagine que ça veut dire que ça a quand même eu un peu de succès au Japon, parce que des adaptations de Boys Love et de Yuri, on n'en voit pas beaucoup. Oui, déjà, ça court pas les... Même s'il y a de plus en plus d'adaptations de Boys Love en ce moment, il y a Given qui va être adapté, enfin, il y en a pas mal qui sont adaptés. Given qui se porte bien, l'adaptation en plus. Qui se porte... Bah, ça se vend bien, ouais, Given, au Japon. Non, mais pour le... Given, enfin, c'est un manga aussi de musique, donc ça se porte bien à une adaptation. Oui, ça se porte à une adaptation. Mais donc, voilà... Vraiment trop mignon, trop hâte de lire la suite, et trop hâte aussi de lire les autres titres de la collection Yuri de Taifu, qui ne sont pas encore annoncés par l'éditeur, donc je vous laisse vous renseigner de votre côté. Espérons qu'ils ne mettent pas de côté la collection. Mais non, justement, il y a déjà au moins 4, ou 3 ou 4 autres mangas qui sont prévus pour cette année, donc ça a l'air de bien se lancer, surtout que la plupart de ces mangas sont des séries, il me semble qu'il y en a une en 8 volumes, donc il y a quand même des choses relativement denses, et il y en a pas mal qui ont l'air de traiter de sujets assez matures et assez intéressants. Et je suis vraiment curieux de voir où va nous emmener cette collection. Et ça part plutôt très très bien. Donc voilà, on vous en reparlera de cette collection. Ah oui. Yuri de Taifu. Et peut-être même de Kaze-san quand ce sera fini. Oui. Voilà. Voilà, un manga qu'on a tous les trois fortement apprécié. Oui, c'est une recommandation. Eh oui. Eh oui. Nous allons maintenant parler, Jean-Louis, de Mimosa et de son chat, Jean-Louis, qui est en train de mourir et qui est également le chat de Bini Bali Bali. Ah yes. Il y a beaucoup de références à l'univers parallèle auquel vous n'avez pas accès, malheureusement. Jean-Louis sur Terre 2, c'est ça? Ouais. Mimosa, écrit et dessiné par Kat Malou et édite, format à l'italienne. Gag en 4 cases. On suit l'histoire de Mimosa. Et voilà. Une jeune fille. Ouais, c'est bon. Une petite fille et qui a des amis et qui a un chat qui s'appelle Jean-Louis. Et qui est en train de mourir. En train de crever. Et il n'a pas fait caca depuis plusieurs jours. Donc ça sent la fin. Voilà, c'est le chat de Schrödinger, mais sans la boîte, on ne sait jamais trop s'il est vivant ou mort, quoi. Et qui a des façons de penser assez biaisées, des fois, Mimosa. Tu fais tes commandes de Noël? Oui, je cherche un tombeau de Noël pour Jean-Louis. Tu exagères. Soyons réalistes, il ne passera pas Noël. Il y a une vibe Snoopy. Et tu vois, dès qu'on évoque sa mort, il ouvre les yeux genre « On parle de moi, je vais mourir !» Ce pauvre Jean-Louis. Achevez-moi. Non, c'est trop, qu'on dit son nom parce qu'on lui a filé à manger ou un truc comme ça, et du coup, allons. Oh, bah, non. Ah non, on me laisse mourir. Mimosa qui porte toujours de très jolis couvre-chefs. Très varié. Oui, des beaux bonnets. Donc, des beaux bonnets. Jean-Louis se lèche le petit trou parce qu'il fait sa touette. Et Mimosa demande, je suis vraiment obligé de lui faire un bisou pour son anniversaire alors qu'il se lèche le petit trou. Sachant qu'il y a toujours une petite mouche qui vole au-dessus de le chat, comme ça. Il a l'air de puer, Jean-Louis. Mais oui, il pue, il est en train de mourir et il est aveugle. Est-ce que la mouche, ce serait pas le Woodstock de Jean-Louis? Ah, encore une référence à Snoopy. C'est ce qui expliquerait pourquoi elle est plus là à la fin. Donc c'est rigolo, drame. C'est mignon, c'est une petite psychopathe. Le format est très très sympathique. Oui. Très belle édition. Oui, très jolie édition. T'as dit que c'était édité par. Ah oui, on a pas dit par Noctambule. Mais qui est une filiale de Soleil, enfin de Soleil Delcourt. Ouais, Soleil Delcourt. Ouais. Avec un petit écrin pour le ranger. Mais c'est terrible parce qu'elle parle plusieurs fois de la mort en général. Je veux dire, outre la mort de Jean-Louis, elle parle beaucoup de la mort en général. Outre la mort de Jean-Louis. Et elle est complètement détachée du truc. C'est, elle en parle vraiment comme si elle parlait d'un truc qu'elle avait vu à la télé, une pub ou un truc. Ouais, parce que quand t'es gamin, des notions de mort, en fait, tu comprends pas ce que ça signifie. Oui, voilà. C'est je crois que c'est vers 10 ou 12 ans que tu comprends. C'est vers 6-7 ans plutôt, mais. Que tu commences à comprendre, ouais. Ça dépend. Tu comprends la mort dépend, à 6 ans, 7 ans. Par exemple, ça dépend si elle perd un grand-parent ou pas. La perte d'un grand-parent tôt, ben déjà, ça non. peut te mais mettre non, parce que tu... plus... ouais, enfin, mais tu comprends pas vers 3-4 ans, si on te dit que papy est mort, ok. Il est parti faire ses courses, hein. Ouais, mais... tu ne verras plus jamais et tout. D'un seul coup, il y a des petits trucs qui commencent à se faire, des lumières, quoi. Ouais, mais globalement, avant 5-6 ans... Non, mais l'enfant, on va pas conceptualiser la mort si tu lui dis que tu ne reverras plus la personne. Quand même, on va penser que la personne, elle est partie loin en voyage, et voilà. Et la personne peut être triste parce qu'elle ne la verra plus, mais elle comprend pas que c'est la mort. Oui, voilà, c'est ça. Elle sera plus malheureuse parce que tu vas lui dire que tu la reverras plus. Mais pas avec la compréhension qui s'ensuit. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut créer un décalage entre les enfants. La perte de grands-parents peut créer un décalage entre ceux qui... Est-ce que Jean-Louis a conscience de sa propre mort future? Non, mais la bouche aussi. Parce que la bouche, elle attend. La bouche, elle attend. Elle attend pour le bouffer. La grosse crevarde. Et Bali Bali Bali. Qu'est-ce qu'il fait, Bali Bali Bali? Pense ton perso. Putain, le jour où j'aurai un chien, je l'appellerai Bali Bali Bali. Il pourra venir ici et Sam, et Sam s'en occupera. C'est ça. Hey Bali Bali Bali Bali. Good to go. Tout ça c'est pourri, Sam. Dédicace. Spéciale dédicace à notre frère, notre sang. Vous l'avez compris, Mimosa, on en a parlé tout à l'heure. Donc ça nous embête un petit peu de nous répéter. Surtout qu'on a dit l'essentiel. Hein. L'édition. Oui, donc là, on a fait concis. Quoi. L'édition a dit que c'était très sympa. C'est assez cool à lire. C'est drôle. Certaines blagues, effectivement. Bah, c'est comme, voilà, tous les, c'est comme tous les ouvrages avec plusieurs gags. Il y en a qui marchent, il y en a qui fonctionnent pas. Après, ça dépend du ressenti de chacun. Quoi. Mais c'est vrai que le personnage est très attachant quand même. Après, ça passe. Quoi. C'est... Même quand c'est moins drôle, tu comprends un peu mieux sa psyché au fur et à mesure. Et à la fin, tu dis bon, ok, elle est. Ça va être hardcore pour elle, hein. Ouais, en général, ce genre de truc en 4 cases avec des gags qui suivent, ça peut être un peu lourd à se bouffer d'un coup, donc c'est plus d'aérer la lecture, d'en lire 2-3 quand on a envie, et voilà. Et il y aura une suite à ça ou pas? On sait pas. On sait pas. On sait pas, mais il n'y a pas de numérotation. Donc, d'accord, ok. Il y a un titre. J'ai remarqué qu'il y avait souvent des titres sur les bouquins. C'est pratique pour les différencier, ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a Mimosa et un titre. Ah. Donc ça pourrait être Mimosa et un autre titre pour un tome 2. Les choses changent. C'est ça que je veux dire. Tu comprends? Tu vois, par exemple, Sharecore, c'est juste Sharecore. D'accord, ok. C'est okay, pas un titre suivi de Sharecore. Ok, okay. Ça peut être. T'as compris? J'ai compris. Mimosa, t'as compris ou faut que je t'en colle une? J'ai très bien compris, merci. Monsieur. Battle Begins. On va t'enterrer avec Jean-Louis. Je te dis, il a pas l'air de crever. Hein. Bon, enfin bon, peut-être dans le tome 2. Ah. Peut-être que le tome 2 s'ouvre sur son enterrement. Non. L'enterrement de Jean-Louis. Et du coup, ils achètent un chat qu'ils appelleront Jean-Luc. Ah, yes. Il tient 10 tomes à la fin, elle est adulte. Jean-Louis 2. Il tient 10 tomes à la fin, elle est adulte. Et Jean-Louis est toujours Jean-Louis est toujours vivant. Connard de chat. Elle est médecin légiste et t'as le chat qui est là au fond du truc avec la bouche encore. Putain. Pour le déplacer, c'est elle-même qui le tient par la queue. La mouche est morte depuis. C'est... La mouche est morte avant. C'est une autre mouche. C'est la troisième génération. C'est les enfants de la mouche. L'arrière petite fille de la mouche. Du coup, c'est la mouche 2. Ouais. Qui est un très mauvais film. Pas vu. Bref. Passons au prochain titre. Que cette fois-ci, vous êtes deux à avoir lu autour de la table. Sally et moi, on va prendre un peu de repos. Oh yes. Taisez-vous. Pardon, c'est certain. Nécro. Et Arthur, vous allez nous parler de Kamunabi. Mythes et récits au féminin, édité par Black Box, c'est un one-shot. C'est vrai. Peut-être qu'on peut commencer par dire que c'est de Yukinobu Oshino, qui est l'auteur notamment de Rain Man chez Panini, qui n'est pas fini. Et on attend un nouveau tome depuis pas mal de temps. Le tome combien maintenant? On attend le tome 6, c'est fini en 7 tomes. Il pourrait bouger le cul pour sortir la fin, mais bon. Panini, meilleur éditeur du monde. Ceci dit, ça a l'air de se remettre doucement en route. Panini cherche un nouveau directeur de collection, donc j'ai un peu espoir, mais ça fait un peu chier. Et le mangaka a aussi sorti 2001, je sais pas trop quoi, qui est un manga un petit peu culte parce que les tomes étaient vendus excessivement cher, il me semble à 200€ ou 300€, un truc quoi comme ça, dès leur sortie dans des superbes éditions. 2001 Night Stories, Le Trou Bleu aussi, donc voilà. C'est un auteur qui est actif depuis les années 70, ça se ressent beaucoup dans son style graphique et dans sa narration, et aussi par le fait que c'est publié chez Black Box, qui est quand même relativement spécialisé dans les mangas un petit peu old school. Tu veux faire un résumé, Nécro? C'est-à-dire qu'en fait, c'est, j'ai pas résumé ça en parlant des personnages, je vais dire que dedans, il y a de l'archéologie, des légendes, des fouilles, de l'enquête, des trucs bizarres, et je me suis fait chier, à un moment, alors, j'ai décroché. Alors, j'aimerais savoir pourquoi ça y rigole au mot fouille. Waouh, d'accord. Hein, des fouilles, quel genre de fouille te fait rire, Sally? D'accord, c'est bien ce qui ça me semble. C'est un report, c'est ça. Des fouilles qui salissent. Et ça, je veux dire, donc ouais, en gros, c'est des histoires courtes qui sont reliées par les recherches d'une docteur en mythologie et en histoire du genre et en histoire des femmes. Et qui s'y connaît très bien aussi au niveau des spas, des trucs des. Ouais, voilà, qui a aussi une spécialisation dans les spas. Alors, pour le coup, moi, c'est un auteur que j'apprécie beaucoup, donc c'est vrai que j'attendais relativement ça, surtout que en général, il fait de bons personnages féminins et que là, voilà, on suit vraiment une. Enfin, moi, c'est la première fois que je vois une docteur en genre dans un manga. Enfin, oui, j'avoue. Je savais même pas que. Pas enfin, dans une œuvre même. Hein. Oui, non, bon, bon, encore dans. Mais dans un truc japonais, j'en avais pas vu. Mais donc, là, surtout venant d'un auteur qui a 60 ans, ou voilà, donc c'est relativement bien, et c'est un bon personnage, je trouve, elle est plutôt bien écrite. Mais c'est vrai que, pour le coup, c'est extrêmement explicatif. On sent qu'il y a de la documentation, que peut-être ça parlerait plus à des Japonais, pour le coup, ouais. Parce que c'est vraiment ancré dans la mythologie. On parle de faits historiques et de mythologie de manière... On parle d'histoires de clans aussi. Ouais, des histoires de clans, etc. C'est un peu opaque pour les gens qui s'y connaissent pas. Et on a perdu un peu. Et donc c'est pas la culture... C'est pas que ça nous a perdu... Enfin, moi, ça m'a plus ennuyé que perdu. Bah oui, je me suis fait chier. Oui, voilà. Du coup, j'ai décroché. Mais sinon, ça commence avec l'histoire donc, du cadavre d'une femme, d'a priori d'une jeune femme, qui est retrouvée alors qu'elle était enceinte et prête à coucher. Mmh. Et c'est donc, on a trouvé des traces de sang autour, donc elle aurait sans doute été brûlée. Et là, ça nous parle de l'histoire, justement, d'un clan, en gros, où ils attachaient la femme enceinte, prête à accoucher, dans un cabanon où elle foutait le feu, et si l'enfant était digne de naître, et ben il survivait. Il faut être un warrior pour naître dans cette tribu. Bon, par contre, la mère, au moins, quoi. Mais, c'est un peu con comme procédé. Bah, disons que ça permet d'éviter la surpopulation. Donc, ouais. Après... C'est un petit peu comme le test de l'eau des sorcières à l'époque, quoi. Exactement. C'est un petit peu con, quand même, quoi. Hey, flotte. On va te noyer, si tu survives, si tu on va te tuer, si t'es morte, bah, c'est con, t'es morte. C'est là qu'il dit sa sorcière. Ce qui en faisait, tu vas mourir. On est très malin. Voilà. On va le défenestrer, s'il tombe, c'est qu'il est mort. Bon, après... C'est une sorcière. Dans ce cas-là, vous le rattrapez, vous le tuez quand même. Non, mais Ces gens avaient inventé le couteau à couper le beurre. J'aime beaucoup le style graphique, quand même. Je sais pas toi ce que t'en penses. Alors, par contre, ça s'affine. Au niveau des personnages, ça s'affine au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on sent que l'auteur s'est habitué, l'autrice. L'auteur s'est habitué finalement à dessiner ses personnages, donc à mieux les proportionner au fur et à mesure. Mais ouais, après, c'est. Bon, c'est une lecture ennuyeuse, quoi. Si... Bah, parce que là, vous devez m'ennuyer. Disons que si jamais le sujet vous intéresse, allez-y. Les sujets, mais, oui, si jamais tous les sujets vous intéressent, mais franchement, de cet auteur, je vous conseille bien davantage Rain Man chez Panini, même si c'est pas fini, donc peut-être attendez que la situation se débloque. LOL. Ou éventuellement, mais je l'ai pas encore lu, l'autre sortie de cet auteur chez Black Box, qui est paru en même temps, qui est en deux volumes. Et c'est... Ah, ils ont fait une collection ? Ouais, ce sera une collection dédiée à cet auteur, ce qui est plutôt chouette parce que c'est vraiment pour le coup un auteur culte. Ça s'appelle Moon Lost. Et c'est en deux volumes, et ça a l'air d'être de la science-fiction, et il y a moyen que ce soit plus captivant, même si jamais, même dans ses récits de science-fiction, même dans ses récits de science-fiction comme Rain Man, il est extrêmement explicatif sur pas mal de choses scientifiques. C'était écrit là. Ah d'accord, c'était écrit dans le bouquin. Mais il y a aussi un peu de fantastique dedans. Ouais, il y a un peu de... Enfin, c'est toujours un petit peu... Moi j'aime bien ces ambiances-là, mais là pour le coup ça m'a vraiment pas trop intéressé, parce que ça me manque de l'action par exemple qu'il y a dans Rain Man, et des personnages un petit peu plus captivants. Donc voilà. Soit vous attendez le mois prochain qu'on vous parle de Moon Lost, soit vous tentez à vos risques et périls de ne jamais avoir la fin, Rain Man chez Panini. Mais Kamunabi, c'est un peu chiant quand même. En tout cas pour des lecteurs occidentaux et non initiés à ces thématiques. Ouais, voilà. Et non intéressés par cette thématique. On n'est pas le public cible. On n'est sans doute pas le public cible. Mais du coup, je me demande un petit peu l'intérêt de publier ça en France. Même si jamais. Des personnes qui s'y connaissent beaucoup en histoire. Ouais, pourquoi pas, d'accord. Ils sont 10. C'est à peu près le nombre de lecteurs des œuvres de Black Box, donc c'est pas ouais, voilà, c'est ça. Du coup, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est un peu osé. Oui, mais si jamais le sujet vous intéresse, eh ben, tentez. Ou vous êtes fan de l'auteur, pourquoi pas. Alors, si vous y connaissez bien, ça se trouve c'est beaucoup moins osé. Vous avez fini de nous en parler ? Oui. Nous allons passer donc au prochain titre de notre sélection. Nous allons parler BD. Édité par Delcourt et Le Louvre Édition, écrit et dessiné par Jean Dittard. On est deux à l'avoir lu autour de la table, c'est-à-dire Nécro et moi-même, Les Tableaux de l'Ombre. C'est vrai. C'est vrai quoi, qu'on est que deux à l'avoir lu autour de la table ? C'est vrai que le titre, c'est ça. Ouais, c'est vrai aussi qu'on est que deux à l'avoir lu autour de la table, parce qu'un petit con l'a réclamé pour le lire, et hier il me dit « Ah bah, il a fait une mimosa, bou !» Mais je peux pas le lire. Oh, comme Sally sur Mimosa. Oh. Et maintenant qu'on en a parlé, que tu l'as feuilleté, t'as envie de le lire. Non. J'ai un emploi du temps extrêmement dense. Tu veux que je fasse le résumé ? Oh ! Vas-y, je t'en prie. Donc, alors tu as dit par qui c'était fait et tout ça, machin. Ouais. Oui. En fait, c'est l'histoire majoritairement de petits tableaux qu'on retrouve dans le Louvre, dans un couloir où les gens passent sans les regarder. et qui ont un gros souci du coup de notoriété, parce que les tableaux les plus vus ont ceux qui ont le droit par exemple à la grande soirée VIP quand le Louvre est fermé, et donc ils se rassemblent tous, ils font une soirée gâteau. Parce que là tu disais comme ça, mais en fait les personnages peints dans les tableaux prennent vie. Oui. Le soir, parce que ça tu l'as pas dit en fait. Ouais, c'est un peu bizarre. Oui, bah, le fait qu'ils fassent une grosse stuff, à mon avis, tu comprends qu'ils prennent vie. En fait, c'est Toy Story, mais au Louvre, avec les tableaux. C'est Harry Potter en fait. Il y a des tableaux qui prennent vie. Oui, c'est tableaux d'Harry Potter, sauf qu'ils ils sortiraient pendant que les élèves. Oui, sauf que là, ils peuvent sortir. Harry Potter, les personnages peints dans les tableaux ne sortent d'accord, pas. D'accord, et puis dans Harry Potter, il y a Voldemort, et là, il n'y a pas Voldemort. On a bien compris que c'était pas Harry Potter. Oui, non, mais c'est pas c'est ça. Bon. C'est que dans Harry Potter, du coup, les tableaux, ils vivent dans 1 mètre carré, oui, et ils se font chier. Eh, tu commences à me casser. Ils peuvent aller de tableau en tableau. Ah oui, c'est vrai qu'ils peuvent aller de tableau en tableau. Il y a la grosse dame qui avait disparu à un moment. Mais là aussi, en plus, ils peuvent aller de tableau en tableau. C'est juste que là, ils peuvent sortir en plus et marcher dans le tableau. Parce qu'à un moment, il y a l'autre, là, il confie ses poules à un autre tableau. C'est vrai, c'est vrai. Tu peux garder mon chat, s'il te plaît, je pars en vacances avec Christine. Enfin, donc, il y a 5 personnages qui sont chacun dans des petits tableaux qui font partie de la même collection, qui se retrouvent un moment. Qui existe pour de vrai. Voilà, qui existe pour de vrai. Qui un jour intéresse un petit gamin, qui bloque dessus, okay, qui les trouve super. Et d'un seul coup, ils sont contents parce qu'il y a quelqu'un qui s'est intéressé à eux. Donc ça leur reste un bon petit moment et ils vont se rappeler de cette personne-là qui, d'un seul coup, va faire. En fait, et là, on brise le quatrième mur. Qui va faire cette bande dessinée? Il y a la BD dans la BD. Voilà, la BD fait partie de du truc. De la diégèse. C'est comme Bali Bali Bali. Il a 3 fois son nom dans son prénom. Non, il a 3 fois son prénom dans son nom. La réflexivité littéraire est passionnante. Bali Bali Bali. Bali Bali Bali. Et du coup, il y a des gens qui viennent prendre en photo à nouveau ce tableau-là, mais voilà, une quinzaine d'années après, et là, ils se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, d'un seul coup, on a tout le monde qui s'intéresse à ça? Tu suis l'histoire de ces petits personnages sur une vingtaine d'années, voire un petit peu plus, même. Et là où d'un seul coup, des fois, il y a des moments où tu dis, c'est par exemple, quand ça se coule, ça dit, il y a Cyprien qui en a parlé sur sa chaîne YouTube. Et là, il y a des passages très étranges, quand même. Moi, mais à côté de ça, ça se tient. Ça se tient parce que, effectivement. Non, c'est surtout que ça fait forcer. Oui, ouais, mais un influenceur connu qui parle d'un truc comme ça, effectivement, tu comprends le contraste entre la conservatrice qui demande aux gamins pourquoi ils viennent d'un seul coup tous s'intéresser au tableau et eux qui disent c'est parce qu'on regarde une chaîne YouTube avec Cyprien. Oui, il y a un décrochement quoi. Mais en même temps, c'est relativement réaliste. C'est réaliste. Bon, c'est pas. Ça m'a juste sorti du truc au début, puis après, je me suis dit ça pourquoi ça passe. Pas. Surtout si jamais justement on a cette idée que la réalité rejoindrait cette fiction, même si oui, c'est évidemment fictif, le fait de mettre des éléments extrêmement contemporains, ça peut justement faire ressortir le côté très très réaliste et très très contemporain de l'ouvrage. Alors ça brise tellement le quatrième mur qu'à un moment il y a des personnages qui se voient en train de lire la BD qu'ils ont en main. C'est-à-dire qu'ils voient la case dans laquelle ils sont. Ce passage-là est rigolo. Et du coup c'est « Non, regarde pas la suite !» Non, faut pas révéler la suite au tableau, parce que ça va les spoiler. Bah oui. Ouais, ça a l'air plus intéressant que... Ah oui, en effet. Non, c'était une lecture divertissante, mais pas extraordinaire. On apprend que Léonard de Vinci ne finit pas ses tableaux. Oui, alors la Joconde est représentée en fauteuil roulant. Ah oui, d'accord. Bah forcément, parce que tu vois pas ses pieds. Ah, donc okay. Elle peut pas matérialiser les pieds. Ah putain, c'est chiant de finir un tableau, genre juste d'une oreille, tu vois l'oreille. Du coup, c'est la superstar de la soirée à chaque fois, mais... le fauteuil. D'accord. Non, mais après, c'est intéressant, hein, comme idée. Mais oui, en fait, il y a des bonnes idées, mais c'est juste que le rythme est un peu lent. Le dessin n'est pas extraordinaire. C'est pas moche, mais c'est pas extraordinaire. Et ça manque d'idées vraiment percutantes, en fait. Et c'est ultra classique dans la réalisation. C'est du gaufrier, quoi. Okay. Par contre, pour un enfant, c'est plutôt cool, parce que des fois... Ouais. Moi, j'ai vraiment pris pour une lecture enfant. Ça a l'air. Donc, c'est normal que une lecture enfant soit moins dense. Est-ce que quelqu'un ici a lu d'autres ouvrages de la collection de Futuropolis en partenariat avec des grands auteurs de la BD ou pas? C'est quoi le rapport? Bah parce que ça fait partie de cette collection. Bah non. Bah tu sais, la collection du Louvre. Mais c'est parce que c'est pas Futuropolis. Bon. Bah oui, excusez-moi. Alors, d'autres BD en partenariat avec le Louvre. T'as encore loupé une occasion de Est-ce que vous avez lu les bandes dessinées de Futuropolis? Non mais est-ce que vous avez lu d'autres trucs en partenariat avec le Louvre? Est-ce que vous avez déjà lu des trucs? Est-ce que Urasawa il a pas fait des bouquins sur le Louvre aussi? Si. Est-ce que vous savez lire? Vous nous écoutez, est-ce que vous savez lire? Je vais catapulter tes gros morts toi. Est-ce que vous connaissez d'autres livres avec Cyprien? Est-ce que... Bah, la BD de Cyprien. Ouais. Oh non. Vous voulez pas qu'on fasse tout un podcast sur ça? Oh non, comment ça s'appelle déjà? Je sais plus. Roger, ouais. Roger, et ses Roger et ses humains. Roger et ses humains. Il y a même un dessin. Tome 1 et tome 2. Et bientôt tome 3. Ce qui ce qui fait franchement penser à Robert son robot, qui était dans les... le journal de Mickey. On divague. C'est un robot qui vivait avec des humains, voilà. Je ne te parle pas. Pleut. Ouais, voilà, et bien c'était fini pour... Les tableaux de l'ombre. Ouais, la couverture est très sympa. Oui. C'est bien vrai. On peut passer à la suite. La suite, si je veux. On peut passer à la suite. La suite. Mais c'est à moi, ça. C'est vrai. Bah, vas-y, alors. Mais tu non, veux non, pas... Non. Bah, vas-y, alors. Non. Tu peux... Nous allons parler de Bakemonogatari, tome 1, édition limitée. Qu'est-ce qu'elle apporte, l'édition limitée, couverture? En fait, alors déjà, la couverture et la tranche sont différentes. Je crois que la couverture, est juste... Ah, ben voilà. La couverture est réversible, donc vous avez également la couverture de l'édition normale. Je ne sais pas. Et en plus, il y avait une dizaine de cartes postales reprenant les covers de chapitres, des formats cartes postales sur papier un peu dur. D'accord. C'était vraiment cool. Alors, c'est adapté de l'œuvre originale de Nissi Wasin, qui est un light novel. Nissi Wasin. Bili bili bili. On ne sait pas. Dessiné par Ogrette. Avec. Pelito. Au caractère design, vos fans. Pourquoi pas? Sont nos fans. Je ne sais pas. Peut-être que tous ces gens-là sont fans de Bili bili bili. Un point, le scénariste était déjà auteur de Medaka Box, qui est un peu connu, je crois que c'était chez Tonkam, et Ogrette, on lui doit notamment Enfer et Paradis, récemment là chez Kazé que c'est fini, c'était Trinity quoi Björg. Björg Trinity, c'est dans le sens. Et voilà. Herbier aussi, qui est super connu. Ouais, donc voilà, c'est un auteur assez connu. Même et en tant que scénariste et dessinateur, on lui doit donc du coup Herbier et Enfer et Paradis. Et pas mal de hentai. Parce que Björg Trinity, il est juste au dessin. Bah, non, il en a fait beaucoup, hein, de hentai. Il vient de hentai. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Beaucoup de très très doués dessinateurs de manga viennent d'Hentai. En même temps, il faut bien connaître son anatomie. Il faut bien proportionner, ouais. C'est pas... Le dessinateur de Food War aussi vient d'Hentai. Ça se voit aussi. C'est en cours avec 5 tomes au Japon. Le tome 2 sortira pour Japan Expo. Et le light novel est publié en parallèle chez Pika Roman ou je sais pas trop quoi. Enfin, dans leur collection. Il y a aussi un animé disponible sur Netflix. Salut Sam. C'est notamment connu pour son animé, l'univers de Bakemonogatari, qui est apparemment très dense. Mais t'as Bakemonogatari, un autre truc Gatari. Il me semble qu'il y a 3 trucs. 3 seulement d'ailleurs. Moi je crois qu'il y en a. Parce que Bakemono, ça veut dire monstre, je crois. Ça veut pas dire histoire. Enfin, y a pas un truc où. Ou c'est peut-être Monogatari qui veut dire histoire, un truc comme ça. Ah oui, parce que je crois que Bakemono ou Bakemono, c'est monstre. C'est peut-être Bake, ouais. Enfin voilà, ça va être histoire de monstre. Enfin, j'en sais rien, faut demander à Issa, mais il est pas là. Donc, un truc divin que vraiment un truc monstrueux, en tout cas dans ce tome-là. Mais vas-y, fais-nous un résumé, Chris. Oh, ça fait longtemps, tiens, Arthur, fais-nous un résumé. Oh putain, ok, alors. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle. Jeune homme. Okay. Oh punaise, tu me fais chier, sale porc. C'est l'histoire. Ah oui. C'est l'histoire. Ah oui, c'est l'histoire d'un... J'aime. C'est l'histoire d'un jeune lycéen appelé Koyomi. Qui... Pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Donc, c'est l'histoire d'un jeune lycéen. Tu l'as déjà dit. Le putain de Koyomi là. Maintenant, t'as fait un gros mot encore. Cet idiot de Konami, ce petit farfadet, va faire la rencontre. Depuis le début, je t'ai dit. C'est l'histoire de Koyomi, un jeune lycéen qui va faire la rencontre d'une jeune fille qui s'appelle Senjo Gaara, qui est très très vive et menaçante parce qu'elle menace tout le monde avec des compas et des équerres. Enfin, elle est un petit et peu les bizarre. Cutters, tout. Parce que on compte... son uniforme, c'est. Des poches oui, c'est très très bizarre. Et il va malgré lui découvrir un secret sur cette jeune fille qui est qu'elle ne pèse quasiment rien. Elle est extrêmement légère. Elle pèse 1/10 de son poids ou quelque chose comme ça. Enfin, du poids qu'elle avait avant, parce qu'il lui est arrivé un malheur. Elle a rencontré un énorme crabe. Le dieu des crabes qui lui a volé son poids. Les hommes crabes. Ils parlent comme des hommes. Ils ont le goût du crabe. Mais je pense que c'est même moins qu'un dixième de son poids, parce qu'à un moment donné, elle chute et il la rattrape à une main. Ouais, elle rattrape comme ça par la fesse. Enfin, mais en même temps, et genre, un dixième de son poids, c'est ça 100, fait quoi, c'est ça 5 fait... kilos. Ouais, mais main, 5 kilos possible. À rattraper comme ça, t'as déjà essayé de rattraper un pack d'eau. En pleine chute en plus. Hein. En pleine chute. Je cite ça parce qu'il me semble que j'avais lu un dixième, mais du coup, c'est peut-être encore moins. Bref, elle pèse quasiment rien, c'est ça qui est important à retenir. Et donc, on apprend que le jeune garçon a aussi eu affaire à un être fantastique qui lui a causé un petit malheur dont il a réussi à se démêler, je sais plus ce que c'était son histoire, en allant voir un autre personnage, un homme un petit peu mystique dont on sait pas grand-chose pour le moment, et qui arrive à régler ces problèmes-là. Et en gros, c'est sur ça que se concentre ce premier volume. Il y a aussi un autre personnage de la déléguée de la classe de Koyomi. Donc voilà, c'est une introduction à cet univers au travers de ces personnages et de leur rencontre avec ce prêtre. Alors, premier point. C'est magnifique. C'est beau sa mère. C'est beau sa mère. C'est beau sa mère. Audrey, c'est même beau sa grand-mère. C'est incroyable. C'est vraiment très beau. Enfin, c'est pas un de mes dessinateurs préférés, mais vraiment, ça rend vraiment la lecture palpitante. C'est ultra dynamique, c'est ultra propre, c'est ultra détaillé. C'est vraiment beaucoup de plans. Le moment où elle lève sa jupe, ouais, et qu'il y a un cercle de stuff par terre à ses pieds, c'est une image qui reste en tête. En fait, là où Ograit il est ultra puissant, c'est que il arrive en fait à faire des images emblématiques, des paginations emblématiques en fait. Et c'est assez rare pour être souligné, je pense. Bon, pour le coup, je préférais son travail graphique sur Dark Trinity parce que les designs de base étaient beaucoup plus impressionnants. Mais l'histoire, elle n'y était pas, donc... Moi, je les ai tous lus d'une traite jusqu'au tome 10 ou 11, et en fait, quand tu lis tout d'une traite, ça va. Mais c'est juste extrêmement complexe, et beaucoup trop complexe pour ce que ça raconte, en fait. Mais ouais, du coup, j'ai pas encore lu la fin, parce que je suis perdu. Alors, j'ai cherché juste pour... Donc, les Obake, également appelés Bakemono, choses qui changent, sont des fantômes qui changent de forme. D'accord, ok. D'accord. Oui, bah ça se comprendrait du coup par rapport à ce que ça nous raconte dans le manga. Donc voilà, moi je m'attendais à pas trop accrocher, parce que justement au niveau des histoires en général, Ograit c'est un peu perché. En tout cas, non, mais c'est pas lui là. Mais là, vu que c'est pas lui au scénario, c'est plutôt plaisant. Tout comme Dark Trinity d'ailleurs. Ouais, mais Dark Trinity pour le coup c'est vraiment le truc le plus complexe, je crois qu'il est écrit, c'est vraiment imbitable. Non, mais c'est pas lui le scénario non plus. Je crois pas, mais... Non, c'est pas lui, c'est pas... je te le dis. Quand même, d'accord. C'est une affirmation, alors, en fait. Ce n'est pas lui. Tu comprends quand je te parle ? Oh putain, va prendre un coup. mais il aime bien, en tout cas, adapter ou mettre en image des scénarios extrêmement complexes. Donc, en général, quand tu vois Ograit, tu sais que ça va être un peu chaud à suivre. Alors, parce que Ergir, c'est complexe, pas compliqué, hein. D'accord, j'ai pas lu Ergir. Pareil pour Enfer et Paradis non plus. Moi, ouais, j'étais perdu. Moi aussi, je peux le faire chier. Moi aussi, je peux le faire chier. Sentai, ils sont pas très très complexes. Hein. C'est plus, non, c'était juste pour dire qu'on fouille. Disait, quand il y en avait plusieurs, des scénarii. Des scénarii, oui. C'est vrai. C'est vrai. Mais bon. Des scénarii. Des soprani. Et pas des O. Et si jamais, vous faites tomber une spaghetti, vous devez dire, oh, j'ai fait tomber un spaghetto. Exactement. Mais personne le fait. C'est dramatique. Notre belle langue. Si, dans les brunchs, ils font ça. Ouais. Le spaghetto. Oh, j'ai fait tomber mon spaghetto. Mais c'est parce que spaghetti, c'est pas notre langue. Bah si, c'est italien du coup. Ah oui, mais c'est italien. Bah c'est pareil. Mais on parle pas italien. Bah oui, c'est pour ça. Scénario aussi, c'est un mot italien. Oui, mais c'est pour ça. Mais c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Putain, mais... Oh, mais... putain. Écoute quand on te parle. Au lieu de t'écouter toi-même. Frappe-moi, ça te changera. Oh hein, putain, je vais t'assassiner. Ça partait autant en couille que je l'entends là-dessus. Ce podcast est extrêmement violent. Ouais. Donc je ne sais pas. Oh, bref, à vous d'en parler. De cet ouvrage, de cette cet ouvrage. Je savais pas non plus trop à quoi m'attendre parce que j'avais vu un petit peu l'animé mais sans accrocher plus que ça. Mais de voir par exemple ce genre de, c'est pas du tout radiophonique. Mais voilà, je sais que j'ai toujours aimé le dessin de Ograit et j'ai commencé les Björk Trinity et j'étais vraiment un peu déçue par le scénario très complexe et très surtout que je les avais achetés vraiment un par un. Il a fallu que j'attende d'en avoir certains pour commencer à comprendre le fil directeur. Et du coup, je m'étais dit, ben, on va essayer de lui laisser une deuxième chance en tant qu'auteur, en se disant, bon, ben, peut-être que vu que là, c'est un autre scénariste, voir ce que ça va donner. Mais le peu d'images que j'avais vues était vraiment extraordinaire et c'est typiquement le genre de dessin que j'accroche, même si parfois on sent un peu la 3D, surtout au niveau de. Comment ça s'appelle, de ces. genre des outils de trousse, les compas, les, ouais, les, ou même des fois les croix, tout ce qui est finalement dans l'enviro, on peut ressentir un peu la 3D, des fois ça peut être gênant, là c'est pas le cas, mais voilà, le dessin est juste incroyable, et enfin, je sais pas quoi dire, je suis subjuguée par ce dessinateur, je pense que c'est un de mes dessinateurs préférés avec Obata de Death Note, et du coup le... Et Bizzy. Mais l'histoire est chouette en fait, parce ouais. que je trouve que ça raconte autre chose. Ça raconte aussi que finalement on se fait du mal à soi-même avant tout, parce que c'est ce qui est raconté dans l'œuvre. Ouais, que... Sans trop en révéler. Oui, voilà. Il y a un petit peu de profondeur. Enfin, en tout cas pour l'instant, ça se trouve après c'est beaucoup plus dense, mais. Oui, sculptement. Pour le coup, je me demande ce qu'ils vont adapter ensemble, enfin plutôt ce que, parce que même si jamais là c'est Nissi Win qui est crédité, j'imagine que O'Great adapte, enfin est aussi derrière le storyboard, etc. Parce que c'est juste qu'il se base sur un light novel, mais donc il a quand même une grande marge de création au niveau de l'histoire, parce que c'est Bakemonogatari, c'est extrêmement dense comme récit, il y a plein de light novels, il y a plein d'animés. Donc je me demande ce qu'il va décider d'adapter et la durée que ça aura au total, parce que si jamais il se met à tout adapter, on en a pour ouais, pas mal de temps, mais ça m'étonnerait. J'ai pas l'impression que ça va être une série très longue en fait. Il y a déjà 5 tomes en cours et ça marche bien. Après, ça va peut-être s'arrêter bientôt, mais. Ouais, je sais pas. J'en sais rien. J'en sais rien, mais bon, en tout cas, pour le moment, très chouette. Peut-être que je me le prendrai si jamais ça continue bien, tout nous dira. On verra, écoute. Et il y a d'ores et déjà une édition collector pour le tome 2 qui est annoncée, oui. Donc je crois super que. Super jolie. Oui. Avec la tranche verte. Et je pense que Kazé compte beaucoup sur cette série. Kazé. C'est Pika. Bon bah c'est Pika, c'est pas Kazé. Oh là ça fond. Va. Eh ouais, c'est bon, je fais une erreur sur un éditeur, c'est pas le drame. Ouais, mais là on leur fait de la pub, d'un seul coup on passe à l'autre, on dit ouais, c'est chez. Bon, Pika. T'as l'air de beaucoup y tenir. Pika. Oui, mais c'est trop bien. Pika. Pika. Ils ont pas sorti beaucoup de choses de ouf en plus, Pika, dernièrement. Ils sont sortis 2-3 dessus. Depuis le début de l'année. Ouais, question. Bah, Shine, enfin, c'est chez Nobinobi, mais c'est le groupe Pika. Enfin, oui, mais c'est les mêmes, c'est juste que non, c'est une sorte de collection, c'est pareil. Non, je m'en fous que c'est Nobinobi. D'accord, c'est Nobinobi, mais c'est le groupe Pika. Parlons d'un autre manga de Delcourt Tonkam plutôt, qui est une exception parce qu'il est bien, non? Ah, reparlons, tu veux dire. De Mermaid Prince. Oui. Édité par Delcourt Tonkam, écrit et dessiné par. Kaori Ozaki. Est-ce que tu veux nous faire un résumé, un résumé, tu veux dire. Un reroll résumé. Alors. Donc c'est un one-shot publié par Delcourt Tonkam dans leur collection Shonen par Kaori Ozaki, qui est l'autrice notamment de Our Summer Holiday, qui était sorti il y a 2 ans pour l'été aussi, qui était aussi un one-shot, et de Immortal Rain en 11 volumes chez Doki Doki, qui est un shoujo d'action-aventure que j'ai lu récemment et qui est très bien, et qui est encore disponible, et je vous conseille de vous le procurer avant qu'il ne soit plus disponible si jamais vous aimez bien les travaux plus récents de l'autrice, ou si vous voulez un shoujo d'aventure. Mermaid Prince, c'est un recueil de 3 histoires courtes qui parlent de jeunes protagonistes et en gros du passage à l'âge adulte et de la découverte de la sexualité, des sentiments, de l'amitié, en gros de la jeunesse. Donc c'est mon coup de cœur du mois, je suis absolument fan du dessin de cette autrice qui est extrêmement épurée, extrêmement poétique. Ouais, c'est super beau. Je trouve que la tonalité des histoires est onirique et vraiment extrêmement poétique et extrêmement touchante, que les chara-designs sont vraiment splendides. Bon, moi j'ai fait un article sur ce manga, donc allez lire mon article, qui est pas top, mais au moins ça m'évite de me répéter parce que je sais pas trop quoi dire. Et donc je vais laisser mes collègues qui ont la chance de ne pas publier en parler. Alors, rien, tu veux pas se répéter, t'as réussi à dire quasiment la même chose deux fois. Ben oui, mais forcément, parce que ça n'enregistrait pas avant. C'est ça, c'est extraordinaire. C'est la magie de Terre 2, tu comprends? Terre 2. Ce que j'avais pas dit avant, c'est que les persos, ils m'ont fait penser un petit peu au chara-design de Your Name. De Your Name, un petit peu. Un peu, ouais, ah, il y a un peu le. Ouais, c'est ça. C'est. Pareil, c'est un manga que j'ai pas mal aimé, même si j'ai eu du mal. Je savais pas à la base, en fait, que c'était des petites. Que c'était 3 nouvelles. Je pensais que c'était un tome avec une histoire qui se suivait. Et du coup, la première histoire, en fait, est tellement bien que j'ai eu du mal à rentrer dans les autres. J'ai vraiment été déçue en fait que ça s'arrête au bout de deux chapitres, qu'on quitte nos personnages qui étaient si attachants. En fait, la première histoire est très terre à terre, il n'y a pas trop de fantasy dessus. Ouais, le fantastique vient de faire la mesure du bouquin. Ouais, c'est ça. Surtout dans la troisième histoire en fait. Ça va crescendo, je crois que quelqu'un a déjà dit ça. Et donc du coup en fait une fois qu'on a quitté les deux premiers chapitres avec la même histoire de se retrouver projeté dans une autre histoire, en fait ça m'a gêné et j'ai jamais réussi à vraiment me séparer de la première nouvelle. Surtout en plus ce qui m'a fait bizarre c'est que le personnage principal du premier devient auteur et le personnage principal de la deuxième histoire est dans une librairie. Donc pour moi ça faisait sens aussi, que genre ses cheveux avaient repoussé. Moi aussi ça m'a perdu au début. Mais c'est pour ça que je trouve que il y a quand même une cohérence entre les trois récits qui se suivent au niveau de petits éléments comme ça. Ça permet des liaisons et je trouve que le travail de liaison entre les trois nouvelles est plutôt bien et que à mon avis elles ont été pensées quand même pour être à la fin publiées dans le même livre. Ouais, mais vu que ça perd un petit peu. Ouais, voilà, oui, mais moi ça m'a. Des liaisons. Dans oui, mais après si vous savez lire le titre et le fait que. Je remplace Issam aujourd'hui. Sur le sommaire, enfin, c'est relativement clair que les histoires sont différentes parce qu'il y a marqué Léo de pluie et lune, première partie, seconde partie, et après. Excuse-moi, Arthur, mais tout le monde ne s'arrête pas au sommaire. Non, mais d'accord, mais si j'étais. Très souvent, le sommaire, tu le zappes. C'est indiqué, si vous voulez, absolument, oui, c'est indiqué. Je trouve quand même qu'il y a un lien qui est fait avec justement la montée en puissance de l'onirisme et du fantastique. Ouais. Donc, ça, oui. Pour le coup, je trouve qu'on n'a pas un sentiment de brisure totale, même si jamais, en effet, si jamais on s'y attendait pas et qu'on était à fond dans la première histoire, on peut être un petit peu déçu qu'elle ne poursuive pas. Mais à ce moment-là, je vous engage à lire soit Our Summer Holiday, qui était extrêmement génial, et beaucoup plus dramatique, parce que là, on a quand même, enfin, même si c'est relativement poétique, un petit peu nostalgique, voire avec des touches de drame, il y a quand même beaucoup plus de légèreté, d'humour, avec le fantastique et des personnages. Un petit peu plus guilleret, ou alors à lire Immortal Rain en 11 tomes, où là vous aurez toute une aventure complète. Mais moi, j'ai pas été frustré par la courtesse des récits, parce que en même temps je m'y attendais. Donc voilà. Toi, t'as pas trop parlé. Ah, mais j'en ai acheté, c'était aussi une très très bonne lecture. J'ai préféré la troisième histoire, ce qui me concerne, celle qui est beaucoup plus fantastique du coup. Celle à qui le bouquin tient le nom, tient le titre. Avec des sirens. Des sirois. Des sirens. Des sirens. Des sirens. Et des sirois. C'est particulier comme mot. Alors sinon, je te dis à dire mon avis, je ne l'ai pas lu. L'intro est très belle. Merci pour cet avis. Voilà, d'ailleurs, ne vous y trompez pas, même si c'est publié en shonen et que la couverture est légère, ça traite de thèmes relativement matures, il y a un sexe. C'est une autrice qui aborde en général des sujets un peu lourds, mais toujours sans être totalement plombante. Je trouve justement qu'il y a beaucoup de poésie et une légèreté dans le trait qui apaise un peu le tout. C'est pas tire-larme, mais c'est relativement mature comme histoire à chaque fois. Mais moi, c'est ce qui fait que j'accroche beaucoup à ses œuvres et que je vous enjoins très fortement à les lire et que j'encourage très fortement Delcourt Tonkam à publier ses prochaines séries, notamment plutôt que de publier Icepig. Plutôt que de publier Icepig. Et toutes les grosses. Vous aimez pas Icepig. Hein. Moi, j'aime bien Icepig. J'ai dit des trucs un petit peu sales. Ah, ce jeune homme schizophrène. Mais notamment, donc, ça s'appelle. Kane no Itsuji, et c'est fini en 3 tomes, ça vient de se conclure au Japon, et ça parle de musique, et les couvertures sont trop jolies, alors c'est pas radiophonique, mais je les montre aux collègues. Elles sont trop jolies. Et quoi. Franchement, j'ai vraiment envie de découvrir ses autres œuvres. Elle a aussi fait un Boys Love, hein, donc elle a fait pas mal de choses assez différentes. C'est une autrice qui change beaucoup de genre et qui évolue beaucoup. Elle a quand même au moins 20 ans, 25 ans de carrière et ça se sent d'ailleurs qu'elle est extrêmement experte. Oui. C'est son dernier titre, Vers le Prince. C'est... Ouais, enfin c'est des récits publiés en 2017-2018, je crois. C'est écrit à la fin. Et son trait est beaucoup plus épuré qu'au début. 2014. Ah, 2014, absolument. 2014-2015. Bon, d'accord. Mais c'est quand même relativement récent comparé par exemple à Immortal Rain qui était publié en 1999. Et ça se sent. Ça se sent, et c'est beaucoup plus épuré qu'au début. Il y a vraiment un travail d'un trait qui fuse et extrêmement dynamique, extrêmement sensible, avec très peu de traits et très peu de trames. Et je suis très très très sensible à son travail graphique. Oh, tu es très sensible. Oui. J'ai pleuré. Nous en avons donc fini avec Mermaid Prince. Sinon, je repartais sur Bleach. Hein. Non, non. Nous en avons donc fini avec notre sélection. Et Bleach. Des nouveautés. Mais on va revenir sur une série qui vient de se terminer, éditée par Akata, décidément. Aromantic Love Story, écrite et dessinée par Haruka. Oh non. Kawash. C'est un K, il me semble. Parce que la typo est... Oui, mais tu vois, il y a un petit retour vers le centre. Donc oui, je pense que c'est un K. Haruka Ono. Haruka Ono. Est-ce que tu veux nous faire un petit pitch de début Oui, c'est l'histoire d'une autrice qui publie un shonen harem, voilà, qui rencontre un grand, grand, grand succès, mais elle, elle prend très peu de plaisir à le dessiner, parce qu'en fait, elle ne comprend rien à la... À l'amour. À l'amour et à la chose amoureuse. Parce qu'elle est aromantique. Parce qu'elle est aromantique et peut-être asexuelle, ça, ça se discute au cours de la série. Oui, ça sert à un débat de fond. Mais en fait, alors, pour le coup, c'est un spoil, donc si vous, ça vous dérange absolument, voilà. Mais je pense que quand on hésite à commencer cette série, on peut vouloir avoir cette information. Elle reste bien aromantique et asexuelle, ouais, tout du long. Il n'y a pas de retournement de situation où finalement elle tombe amoureuse d'un de ses deux prétendants. Donc la représentation reste fidèle et reste juste jusqu'au bout. Oui, c'était une crainte qu'on aurait pu avoir. Oui, juste plutôt bien. Petit, voilà, parce qu'il y a souvent du pinkwashing ou des, du pinkwashing ou des trucs comme ça qui, enfin, souvent c'est complètement. Là, bravo pour ça. Mmh. Oui, non mais donc, c'est vraiment maîtrisé. Et par ailleurs, elle a dans ses amis une jeune femme bisexuelle ou lesbienne, je sais plus. Enfin, lesbienne. Elle est lesbienne, enfin voilà. Et donc, il y a quand même toujours des propos assez justes aussi sur le féminisme. Bah, et puis même elle, se dit vouloir être une autrice de manga représentant les diversités sexuelles. Ouais, alors, ça, dans le tome 1, il y avait quelques cafouillages au niveau de la traduction d'Akata. Ouais, ça vient de la traduction et non pas de l'œuvre. Oui, ça vient de la traduction et pas de l'œuvre. Il y a un personnage trans dans l'œuvre qu'elle écrit, et elle se bat pour que, au sein de l'équipe créatrice de l'adaptation animée de son manga, on ne maltraite pas trop ce personnage trans dans la réécriture pour l'animé. Et dans la traduction d'Akata, je crois que le personnage est défini comme travesti, c'est ça ? Je crois que c'est un travesti, voilà. ou un trans ou quelque chose comme ça, mais enfin bon bref, donc c'est une... Il me semble que c'est travesti le mot choisi. Je sais plus. Et qui du coup bah, n'a rien à voir. Mais du coup, bon, il y avait ce cafouillage un peu problématique, mais à part ça, l'ensemble se tient. La conclusion est tout à fait satisfaisante. Par ailleurs, les personnages sont extrêmement attachants. C'est une série aussi qui arrive à être très drôle. C'est une série plutôt avec drôle. Avec des sujets plutôt graves, par moment. Oui. La remise en question sexuelle, tout ça, l'identité sexuelle. Mais c'est pas grave. C'est pas joué non plus. Disons que c'est important dans la vie, donc c'est assez marquant. C'est important, voilà, mais c'est pas grave comme un drame. Et justement, c'est pas présenté comme quelque chose de dramatique, le fait qu'elle ait pas de sentiments amoureux. Ah. Elle vit plus la pression de la société à devoir en avoir, surtout en tant que femme. Ce qui est grave, mais elle le vit pas comme une blessure, le fait d'être aromantique, ce qui est bien. Et voilà, pas mal de propos aussi féministes et sur le comportement des hommes, et etc. Donc un engagement assez pluraliste et assez bien tenu tout du long, qui fait que c'est une lecture que nous vous recommandons vivement. Carrément, c'est très joli aussi. Je suis pas fan, mais c'est pas moche. J'ai beaucoup aimé le premier tome. Ouais, t'avais lu le premier tome à l'époque. Ben, lis la suite, c'est bien. Mais sinon, je le disais, être LGBT+, si ta mère c'est Christine Boutin, ça peut être grave. Hein, dans des... on ne souhaite à personne. On souhaite à personne. En même temps. Déjà, c'est pas elle qui s'est mariée avec son cousin. Voilà. Déjà, il y a des chances de finir mal formé si tu sors de Christine Boutin. Oh, mais qui veut sortir de Christine Boutin? J'ai même pas envie de rentrer. Bah, son cousin. Qui veut rentrer dans Christine Boutin? Pas son cousin. Les applaudissements, quoi. C'est le timing. Non, c'est ce qui s'appelle une société patriarcale. Ouais. Et l'autre côté. Ouais. Romantic Love Story, c'est bien. Lisez Romantic Love Story. Et lisez la plupart des autres mangas. Ah, c'est très très bien. LGBT+, d'Agata. Représenté beaucoup par Akata. À la limite, celle que je suis qui est un peu caca. Mais ça, c'est une autre histoire. J'ai même pas lu le tome 2 encore. Ouais, bah le tome 2 est super problématique, donc ne le dis pas. Bah si, il faut lire le. J'ai lu le tome 2. Et puis je te dirai ce que j'en pense. C'était pas Kant de Tom, celle que j'ai lu. Si, Kant de Tom. C'est pas grave. Bref, lisez. Ah, Romantic Love Story, c'est très très. Lisez surtout Éclat-Dame, qui est. Ah oui, génial. Qui est. Vous voyez, Éclat-Dame, il est ouf. Lisez surtout ça. Voilà. Qui est merveilleux. Est-ce que nous en avons fini avec A Romantic Love Story? Oui, je pense qu'on n'a rien d'autre à rajouter, hein, mis à part achetez-le. Lisez-le, c'est bien. Voilà. Est-ce que je fais un point sur Adécan? Bah, vu que c'est un petit peu ta recommandation, vas-y. Alors, Adécan. C'est... Merci beaucoup, allez, on se retrouve le mois prochain. Alors, petit point, petite recommandation du mois sur Adécan, qui est un manga publié par Ototo, avec 9 tomes en cours en France. Comme quoi, il n'édite pas que de la merde. Comme quoi, il n'édite pas que de la merde, et 13 tomes en cours au Japon. Pourquoi est-ce que nous décidons d'en parler particulièrement aujourd'hui? Eh bien, parce pourquoi que... Pourquoi toi, t'en décides d'en parler? Ta gueule. Parce que le tome 9 était sorti. Calme-nous. Était sorti en octobre 2000. Ah, tu m'embêtes. Il y a deux moods. Soit je suis extrêmement violent, soit c'est. Ah, c'est ça. Donc du coup là t'es violent normalement. Tu sais ce que ça fait d'avoir des ciseaux derrière l'œil? Ouais, malheureusement je sais. Jean-Louis. Jean-Louis, c'est toi. C'est toi, Jean-Louis. Donc, le tome 9. Mon père s'appelle Billy Billy. C'est vraiment dur de faire un podcast avec vous. Le tome 9, le dernier paru, était sorti en octobre 2016 et depuis on n'avait plus rien eu suite à des problèmes avec les ayants droit ou je ne sais pas trop quoi. C'est un peu confus. Ouais, voilà, enfin, il y a eu des problèmes. Et là, on a deux volumes qui vont paraître simultanément, le tome 10 et le tome 11, c'est logique. Toujours dans une logique de sortir les tomes qui se suivent. Mais pourquoi t'expliques? Ta gueule. On s'en fout, pourquoi t'expliques? Bref, donc, il y a des nouveaux tomes qui vont sortir d'Adécan. Lisez Adécan, c'est absolument trop bien. C'est une recommandation, c'est une explication c'est de sortie. C'est une super recommandation. Bon, bah donc, voilà. Adécan, ça se passe dans un univers steampunk, mais un peu inspiré du Japon féodal. Attendez, je vais revenir sur la page du manga, ça sera plus simple. Où on suit le quotidien de Shiro, qui est fabricant de parapluies, et qui va se retrouver mêlé à des enquêtes paranormales dans un univers steampunk inspiré donc du Japon médiéval, et avec d'autres personnages, notamment Kojiro, qui est lieutenant de police. Et ensemble, ils vont enquêter sur des petites affaires mystérieuses de cet univers. Donc, tout le manga est construit, même si jamais il y a un fil rouge qui se développe au fur et à mesure, autour de petites enquêtes. Toutes vraiment palpitantes et très très intéressantes, et graphiquement pour le coup c'est absolument magnifique. Ah, c'est super joli, les couvertures sont magnifiques. C'est un style un petit peu bâtard entre ce que tu peux trouver d'habitude dans du seinen et du shoujo, en fait, franchement. Oui, il y a un peu de ça. Enfin, oh la vache, c'est tellement belles les couvertures. Toutes les couvertures sont magnifiques. Dans le même style, les couvertures font beaucoup penser aux couvertures d'Altaïr chez Glénat. Ouais, c'est vrai, il y a un peu de ça. Et ça flirte avec énormément de genres, ça touche un peu à l'Eroguro des fois. Putain, c'est trop cool. Fantastique. Pour le coup, c'est extrêmement boys love, sous-entendu. Enfin, il y a énormément de scènes très très sexualisantes vis-à-vis des personnages masculins et entre eux. Ce qui fait que c'est très sympa de voir du fanservice masculin et gay, et que du coup, c'est un manga plutôt queer, très très cool, avec énormément de représentations. Et peu de personnages féminins dans les personnages principaux, mais qui interviennent beaucoup dans les enquêtes et qui sont toujours des personnages féminins extrêmement intéressants. Donc tous les personnages sont plutôt très très intéressants. Graphiquement, c'est absolument splendide. Il y a des ambiances un peu glauques et un peu de comédie. Enfin, c'est une ambiance absolument unique et super particulière. Et c'est un manga qui passe beaucoup trop inaperçu en France, alors que vraiment c'est génial. Parce que Ototo préfère vendre My Ball, mais bon, voilà. Il y a aussi... Ototo avait publié l'artbook de ce manga, enfin un des artbooks, parce que ça rencontre un assez grand succès au Japon, il me semble, donc il y en a eu plusieurs. Il est plus dispo, mais il est toujours dispo en japonais, et il n'y a pas beaucoup de texte, donc si jamais vous aimez bien Adécan ou juste le style graphique, mais déjà lisez le manga, je sais pas pourquoi, voilà, mais bon, si jamais vous voulez voir l'artbook, achetez-le en japonais, il n'y a pas beaucoup de texte, et il est vraiment magnifique. Et tant les illustrations couleurs que les illustrations en noir et blanc sont absolument magnifiques. Et c'est génial. C'est vraiment un de mes mangas préférés. Et je suis trop content que la publication reprenne. Donc voilà. C'est incroyable ce manga. Voilà. Et l'action est incroyable. Et les personnages sont ultra charismatiques. Et le découpage est absolument génial. On est reparti. Les histoires sont passionnantes. Incroyable. Parce que vu qu'il y avait une chaîne, je lui disais au troisième. Non mais voilà. C'est vraiment trop cool. Et l'univers est super. Et voilà. Bon, c'est bon, tu lisez-le. Lisez-le, mais oui, mais lisez-le aussi. Personne le lit. Oui, c'est mais incroyable. C'est pas ça, c'est qu'en fait, tu laisses non. pas les gens. On est en train d'enregistrer, les gens, ils ont pas le temps de. Mais voilà. Coupez, allez lire, achetez, couvrez en librairie. Bah non, parce qu'ils l'auront pas, mais enfin, commandez-le dans votre librairie. Voilà, commandez-le dans votre librairie et lisez à des cannes. Voilà, ce sont de petites enquêtes, toujours passionnantes et géniales. Et voilà. Même encore maintenant, où il y a un fil rouge qui s'est développé. Il y a un fil rouge qui se développe et qui est de plus en plus présent au fil de l'histoire, comme c'est souvent le cas. Et ça compte beaucoup pour certaines personnes. Et bien, ce qui est bien, c'est que les histoires se greffent petit à petit autour du fil rouge. Mmh. Mais même la, les histoires en elles-mêmes ne freinent pas du tout le fil rouge et sont vraiment passionnantes en elles-mêmes. Et justement, il y a une diversité de tons, des fois des trucs extrêmement légers, des fois des trucs super glauques. Et ah, c'est, j'ai relancé là. Et des concepts toujours incroyables. Mais c'est trop bien. Tiens, qui est-ce que c'est trop bien que c'est pas voilà, que voilà, c'est trop bien, c'est magnifique. Oui, les personnages sont super. Je me répète. Je vous ai dit que ce qui est captivant. Comment on le dérange? Vous ne pouvez pas, vous m'avez lancé sur Radical. Il faut taper dans les parties. Non, ça c'est dans. Shoot. T'as fini? Oui. Ah, fallait le dire. Eh bien, il est grand temps de vous dire au revoir. Au revoir. Ah bah merci quand même. Putain, soyez polis un peu là-haut. Bye bye. Bye. Des gros bisous. Oui, non. Issam, t'es qu'un connard. Non. J'ai trop hâte que tu reviennes dans l'émission, Issam. Tu m'as beaucoup, beaucoup manqué. Bonjour, à la demande générale de mes camarades podcasteurs, voici votre bonus track. Balibalot dans son berceau, Balibalot dans son berceau, bandé déjà comme un taureau, bandé déjà comme un taureau. Fils de putain, lui dit sa mère, tu bandes déjà plus que ton père. Ah, ah, Balibalot, Balibalot est un salaud. Balibalot dans le désert, Balibalot dans le désert, se trimballer les couilles à l'air, se trimballer les couilles à l'air. Arriva un nuage de grenouilles qui lui bouffa la peau des couilles. Ah, ah, Balibalot, Balibalot est un salaud. Balibalot sur sa moto, Balibalot sur sa moto, faisait du sang et du zéro, faisait du sang et du zéro. Et c'est dans ce putain de virage qui se les est prises dans l'embrayage. Ah ah, Balibalot, Balibalot est un salaud. Balibalot chez les bonnes sœurs, Balibalot chez les bonnes sœurs, se tape à la mère supérieure, se tape à la mère supérieure. La veille lui dit, jamais le Seigneur ne m'a donné autant de bonheur. Ah ah, Balibalot, Balibalot est un salaud. Balibalot dans sa cuisine, Balibalot dans sa cuisine, battez les œufs avec sa pine, battez les œufs avec sa pine. Cochon lui dit la cuisinière, mets-la-moi plutôt dans le derrière. Ah ah, Balibalot, Balibalot est un salaud. Balibalot monte en ballon, Balibalot monte en ballon, mais il avait le système si long, mais il avait le système si long. Qu'à 300 mètres dans l'atmosphère, ses couilles traînaient encore par terre. Un, un, Balibalot, Balibalot est un salaud. Balibalot dans son avion, Balibalot dans son avion, avec sa femme et son cochon, avec sa femme et son cochon. Dès que sa femme lui tournait la tête, il encula la pauvre bête. Ah ah, Balibalot, Balibalot est un salaud. Balibalot au cinéma, Balibalot au cinéma, péta si fort qu'il s'envola, péta si fort qu'il s'envola. Il atterrit dans les coulisses et encula le pompier de service. Ah ah, Balibalot, Balibalot est un salaud. Balibalot dans son cercueil, Balibalot dans son cercueil, bandait encore comme un chevreuil, bandait encore comme un chevreuil. Avec sa bite en arc de cercle, il parvint à soulever le couvercle. Ah ah, Balibalot, Balibalot est un salaud. Balibalot au paradis, Balibalot au paradis, voulut baiser la Vierge Marie, voulut baiser la Vierge Marie. Crénom de Dieu, fil éternel, tu prends le ciel pour un bordel. Un, un, Balibalot, Balibalot est un salaud. Un, un, Balibalot, Balibalot est un salaud.